Bonjour et bienvenue à présent à une autre entrevue en compagnie de Nathalie Topoluc que j'ai à l'autre bout de l'appareil. Et il va être Oui, bonjour David. oui, excellent. Donc, bonjour. Et ça me fait Allô. plaisir pour moi là, de te recevoir de nouveau là, pour discuter pour un deuxième entretien là, ensemble là, sur YouTube. Et pour. Ben, je te remercie encore de l'invitation. Disons que c'est assez vibratoire et sans réflexion, et nous voilà. Exactement. Comme la dernière fois. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que pour ce qui est de la discussion d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi le thème qui consiste à vivre la conscience au quotidien. Oui, Donc, lors effectivement. de notre dernière discussion, on avait parlé, bon, à Daniel Ménard, Bernard de Montréal, ton cheminement de conscience. Et là, je serais intéressé plus à m'attarder comment une personne qui, bon, on peut avoir écouté des conférences pendant un certain nombre d'années, lu des livres aussi qui touchent à la conscience supramentale, eh bien, comment qu'on peut vivre ça au quotidien, donc dans la vie de tous les jours, pour en faire une intégration? Oui, en fait, si on revient à Daniel Ménard, c'était son adage était vibrer et agir. Donc, la vibration, c'est que là, on écoute un paquet de matériel de supramental mêlé avec la spiritualité, puis tout le monde essaie de retenir des choses parce que lorsque l'instruction de Bernard arrive également, c'est l'intellect qui essaie de tout récupérer. Ben, oh, c'est une forme, on a une mémoire intellectuelle à ramasser un paquet de choses qui deviennent mémoriels. C'est pas de même ça marche, là. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas rien là-dedans, là. C'est juste un état vibratoire. Puis comme j'ai dit la dernière fois, une vibration, puis comme Daniel disait, une vibration, c'est comme une envie d'aller aux toilettes. T'as pas le choix, ça se passe comme ça. Il n'y a aucune notion réflexive. Si on donne un exemple, je ne sais pas si ça vous arrive, vous ouvrez une porte, il y a une tasse qui tombe, vous l'attrapez. C'est juste un petit exemple de même, puis tu disais comment j'ai fait pour faire ça. Non? La vibration est là, c'est ça. C'est ça une vibration. Puis même là, lorsqu'on essaie on crée une image, on peut créer une forme, parce que tout est ramassé. Le trois quarts de l'information qu'on peut capter de l'instruction de un a fait son chemin, c'est individuel. Complètement individuel. Tu sais, si moi je te pose la question, David, comment ça se passe, toi, ton quotidien, ce serait complètement différent du mien, mais ça se ressemblerait également ensemble. Les vibrations, c'est universel. Anyway. Donc, c'est quoi, comment est-ce que ça se passe? T'sais, on se réveille le matin, oui, on a un travail, on se lève à telle heure, on dîne à telle heure, tout est formulé, tout est déjà classé. Il y a un futur de déjà fait, on rentre dedans, là, t'sais, avec le travail, puis c'est une imposition qui est faite au niveau du collectif. Mais dans le quotidien, il se passe quoi au travers de tout ça? À un moment donné, il y a une saturation, il y a des événements qui créent des chocs. Il y a des petits événements qui créent des chocs, là, genre, tu oublies tes clés dans la maison. C'est plate, ça te retarde, puis tout ça, là. Au lieu d'être... Encore là, il n'y a pas de recette. Mais à quelque part, il faut toujours essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai à comprendre dans tel événement? Il faut toujours référer à nous, parents dedans. Mais habituellement, c'est toujours les autres qui conditionnent ou la vie qui conditionne ce qu'on est, habituellement. Puis quand on n'a pas d'identité, bon, on se fait pénétrer par ces énergies-là. Donc, c'est l'extérieur qui rentre vers nous. Et non pas Mais à un moment donné, l'inverse. C'est ça, c'est parce et qu'à un non moment pas donné, il faut que la l'inverse. personne rayonne de son intérieur vers l'extérieur pour C'est que ça. elle puisse affirmer son C'est ça. individualité plutôt qu'être à la remorque des autres. Ben, c'est toujours, mais à un moment donné, c'est entre guillemets, il y a une habitude, c'est mémoriel. Tu sais, on a une mémoire, il y a tellement de mémoire, là. On est tellement, c'est soit qu'on, ça se réfère à la mémoire ou dans un futur. Bon, le présent, on n'est jamais dedans. Et c'est dans le présent, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais on doit l'utiliser pour la cause maintenant. Mais c'était, il y a un amalgame de spiritualité, vive le présent, on aime bien ça, le présent, là. Mais les gens qui veulent évoluer, ils prennent ça comme une forme. Mais dans le présent, le présent est vibratoire. Et dans la vibration, il n'y a pas de réflexion. Ça se fait. Mais si on cherche à avoir une vibration, si on cherche à faire quelque chose, donc on intellectualise qu'est-ce qui se passe, puis là, ça crée une forme. Mm-hmm. Une vibration, c'est vide, là. Ça arrive, ça se passe. Comme on se parle, à un moment donné, je vais donner un exemple. On allait soit dans les conférences de Daniel ou de Bernard, puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Je me souviens plus. C'était le même, là. Donc, c'est l'information ne s'adresse pas au mémoriel. C'est vraiment vibratoire. Donc, tout ce qui est vibratoire n'a aucune mémoire. Comment on applique ça au quotidien? Exactement. C'est ça. Mais d'un, c'est de ne pas se faire imposer l'extérieur vers nous. D'où la notion de la colère. Une colère, là, c'est pas de la rage, hein. C'est pas un coup de poing dans les mains, puis tout ça. Là. C'est vraiment un état vibratoire. À un moment donné, t'es à bout de tout, là, puis à un moment donné, OK, là, ça l'arrête là, là. T'as pas besoin d'hurler, mais une colère va mettre de l'ordre, parce que une vibration qui rentre n'importe quoi, un événement, nous met dans un état X vibratoire. Et tout dépend comment ça va être ramassé par nous. Soit que tu es victime, ah, OK, là, ça marche pas. Ça, c'est une programmation qui se passe, un accident, je sais pas, tu cognes l'orteil. Ça va tellement dans les petits détails. Une vibration, ça se commande pas. Par contre, ça se fait. Il y a une grosse différence, il y a une nuance entre les deux. Commander une vibration, ça, c'est vraiment au niveau égoïque. Mais une vibration, quand ça s'installe drette là. Ça se réfléchit pas. Okay. On va faire des choses à un moment donné que on se demande comment ça j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça. Mais ça nous ramène au principe que l'individu n'a pas de libre arbitre dans le sens qu'il ne peut pas décider de vivre une vibration. Non, non. C'est parce que si tu décides d'une vibration, à l'étape où on est, c'est vraiment vouloir contrôler une vibration. Là. Ça ne se contrôle pas, une vibration. Es-tu capable de toucher de l'air avec tes mains? Non, c'est ça, ouais. Bon, c'est ça. Mais en même temps, la personne qui, par exemple, va aller chercher de l'information sur les plans, il peut avoir une volonté de l'ego pour amener l'esprit à lui parler, donc en s'opposant à l'esprit. Donc, il peut avoir un mouvement de l'ego, vers l'esprit qui peut quand même s'opérer pour avoir accès à un savoir ou à certaines choses. C'est ça. Daniel, je me souviens de Daniel, il expliquait l'ego, c'est comme un verre vide. On était à la table, puis il y avait un verre de coke, mettons. Fait qu'il dit, l'ego, là, ça pense pas, un ego, là. C'est un prisme, c'est un accumulateur. Donc, puis là, il expliquait, là, il avait vidé, mettons, le verre de coke à moitié. Puis là, il dit, on rajoute de l'eau, on rajoute la transparence là-dedans, là. Tu sais, l'ego est... C'est le noyau, c'est comme le jaune d'œuf, là. Tu sais, le jaune dans l'œuf, là. C'est vraiment le noyau. Mais c'est le cristal. On a besoin d'un cristal pour fonctionner. C'est drôle parce que ça me ramène au cristaux de l'Atlantide. J'ai une image là-dessus. Mais c'est que moins qu'on va utiliser la mémoire comme carburant, plus il va y avoir de la transparence là-dedans, là. Il va avoir moins de panique parce que souvent, quand on fait des choses par un vide, hors automatique ou hors mémoriel, il y a quelque chose qui panique en dedans de nous autres. Comment ça, j'ai fait ça? Il n'y a pas de contrôle, entre guillemets, là-dedans. Là. Ouais. Mais à un moment donné, encore là, je reviens à si on revient à la Oui. colère crée de l'ordre, puis dans l'ordre, il y a du vide. Mais c'est là, il faut Les rajouter vides, aux gens pour pas hein? que ça soit mal interprété. Là, on parle ici d'une colère consciente. Oui, On parle pas d'une et non de réactivité, rage. c'est ça, une Voilà. réactivité émotionnelle qui amène la personne à être destructive envers elle-même ou les autres, là. Ou les autres, non, on parle pas de ça. Non, on parle de rage, là. C'est une rage, là. L'autre, je l'haïs, ça m'écœure. Ah, pourquoi je dois vivre ça, là? Là, c'est de la merde qui se répand partout, là. L'expression anglaise de when the shit hits the fan, c'est vraiment de la rage. La rage crée la confusion, crée très, très, très bon en vibration, mais on est habitué de ça. Mais à un moment donné, arrive une colère, c'est un courant électrique, là, où c'est comme tout arrête. Puis là, on est capable. On est dans un état où on est en mesure d'observer ce qui se passe. Donc, on est sorti de la tempête et on est capable, on passe au deuxième avec une colère. Mais encore là, il ne faut pas la commander, ça ne se commande pas. Il faut juste être en état de réception et d'observer ce qui se passe. T'sais, on peut aller au bureau, puis à un moment donné, on est dans l'auto, on est pris dans le trafic, puis là, ah ben là, je vais arriver en retard, puis tout ça. Mais il y a toujours des événements qui se suivent, mais qu'on ne contrôle pas. Là, ça panique, là, tu sais. Il y a une raison peut-être pourquoi tu es arrivé en retard, là. Tu sais pas, là, il y a peut-être un enfant qui a sauté proche du bureau, là. On ne sait pas. Tout ça, c'est. Tu Ben oui, sais, on tu sais, cherche mettons, la toujours. personne arrive en retard, par exemple, pour prendre l'avion, puis finalement, c'est un avion qui va avoir un accident, puis qui va être détruit en vol. Ben, c'est intelligent qu'elle manque l'avion parce qu'elle arrive en retard, la personne. Ben oui, ben moi, écoute, l'hiver passé, j'étais à Saint-Hyacinthe, puis j'avais trois rendez-vous importants avec des grands clients. Il y en a deux là-dessus qui sont. Il y a eu des retards. Il y a eu des retards de 45 minutes sur deux clients. Et si j'aurais parti vers Montréal, à l'heure où les clients qui étaient supposés d'arriver, j'aurais été pris dans il y a eu un gros carambolage. Il y a eu un mort là-dedans. Mais exactement, si j'aurais parti dans l'heure que je devais partir, j'aurais été pris dans ce carambolage-là. Mais les deux clients sont arrivés en retard. Ben, donc, tu sais, des fois, tu te demandes alors, pourquoi que c'est en retard. Là, il faut pas. Là, je pars vers 3 h 30 parce que pour éviter la circulation du tunnel pour me rendre, ben non, je suis partie à 4 h 30. Je suis partie 1 h. À peu près 1 h, 3 quarts d'heure, là, plus tard. Et j'ai évité ça l'a évité le carambolage. Donc, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une raison pourquoi les événements se passent comme ça. Mais des fois, tu sais, quand ça va bien, là, tu te poses pas la question. C'est quand ça va mal que tu te poses la question. Ben Ça, c'est oui. toujours. Mais quand ça va bien aussi, tu te poses la question. C'est bizarre à dire, mais c'est qu'est-ce que j'ai à comprendre aussi quand ça va bien, tu Ben oui, mais c'est sais? intéressant de Donc. faire l'étude de l'événement puis la lecture, que ça aille bien ou que ça aille mal pour favoriser l'intégration. Absolument, mais l'intégration, ça c'est pareil. Mais il faut absolument, si je reviens à Daniel, à un Oui. moment donné, on avait discuté. Pourquoi ça? Pourquoi la. J'aime pas le mot fusion, là, parce que c'est trop. Il y a une forme cognée là-dedans. Mais le contact, là, tu sais, ça change ça la programmation? Non, ça change pas la programmation. Mais ça peut changer l'intensité des événements qui peuvent arriver. Puis Daniel, il dit, le contact permet de lire ce qui se passe. That's it. Ça nous permet d'absorber les événements, de changer le taux vibratoire. Tout est là dans le changement de taux vibratoire. Il disait aussi, quand tu te lèves le matin, dans quel état tu es? Parce qu'un état, c'est une entité en passant. Peut-être un état, là, ça va pas bien, tu te lèves, tu t'es cogné, tu trouves pas le pantalon. Là. Il y a un état pogné dedans, là, ben ça, c'est une entité qui est là, là. Ben, ça dépend, Fait ça que. peut être le double qui fait des oppositions pour que tu amènes vibrer d'une Ben, certaine façon. le double va utiliser l'entité pour ça, là, t'sais. Donc, rendu là. Après ça, c'est d'autres choses avec le double direct, t'sais. Mais Il faut toujours se mettre en position d'observation. Quand on se met en état d'observation, on est hors événement. On est capable de savoir pourquoi c'est là. Qu'est-ce que j'ai toujours la même question. Qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Encore là, c'est individuel. Il va y avoir un événement, il va y avoir 300 personnes, il va y avoir 300 vibrations qui va se passer là-dedans. Là, c'est vraiment là, individuel, mais surtout, comme on discutait un petit peu tantôt, là, maintenant, il y a une accélération extraordinaire de tout ce qui se passe. Les gens capotent, les gens, ce qui prédisait là, des années 80, là, on est rendu là. Là. 2020, c'est vraiment le pic c'est l'apocalypse qui rentre là. Ben, attends une minute, là. Je veux dire, on se dirige, c'est sûr, vers une situation apocalyptique dans le sens qu'on va avoir des problèmes environnementaux qui vont s'accentuer, changement climatique, problèmes de pauvreté, surpopulation, mais je veux dire, là, on n'est pas présentement dedans dans le sens que on vit pas une situation de crise sociale au niveau planétaire, là, présentement. Ben, présentement, il y a beaucoup d'underground qui se passe. Puis, tu sais, le mot apocalypse, c'est des révélations. Révélation, c'est révélé. Tout ce qui est caché va se mettre en surface. Tu Oui, sais, c'est. Regarde, dans le ah, sens d'un regarde tout ce qui se dévoilement, passe. là. Oui, c'est ça, OK. c'est un dévoilement, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à voir ça. OK. Tu sais, ce qui se passe aujourd'hui avec l'Église, là, puis toutes les la, Les scandales de voyons comme. pédophilie qui sont dévoilés, entre Oui, autres, là. Ouais. voilà. Penses-tu que c'est pas un choc pour ceux qui croient? Ça, c'est des chocs à Ouais. la croyance, là. La croyance, là, c'est une forme énorme. Puis c'est des référents mémoriels aux gens. Les gens se réconfortent là-dedans dans une croyance. Mais là, on arrive avec la pédophilie, là. Ah, ils sont pas si parfaits qu'on pensait, hein? Hein? On veut les voir parfaits, les gens, dans leur croyance, au niveau d'un Dieu, puis tout ça, là. Mais là, ça bouscule tellement de choses. Ben oui. Autant au niveau de l'environnement, là. L'environnement, puis nos États, là, c'est pas loin, là. Ben, je veux dire Il y a qu'il y beaucoup. a des choses que, comme par exemple au niveau de l'essence. Tu sais, l'essence, c'est à peu près, je sais pas, une pièce et 11 ou une pièce et 20, c'est pas apocalyptique dans le sens que l'essence allait passer à 2 ou 3 pièces, puis que la valeur serait tellement augmentée qu'on serait obligé de changer rapidement là, Ouais. de véhicule. C'est pas le cas présentement. Je veux dire, Non. la crise au niveau du carburant n'est pas encore là, dans le sens que les coûts sont relativement stables là, depuis plusieurs années. Et puis le choc lié à la pénurie d'énergie fossile, on ne le connaît pas, même si ça fait depuis les années 70 qui est annoncé puis prévu, là. Mais c'est voulu, mais c'est tout ça, c'est organisé, hein. Toute cette gang-là, c'est pas eux autres qui pensent non plus, là. T'sais. Puis ceux qui tentent de prévoir un avenir, il faut toujours retenir que c'est 70% des prédictions, là. Que ce soit là, dans la bourse, dans n'importe quoi, là, il y a un principe là-dedans, là, c'est 70%. Donc, mais ceux qui Attends une veulent minute, savoir le futur, 70% qui sont pas vrais? C'est dans ce de sens-là? 70, c'est 30% de fausseté, je te dirais. C'est OK. de l'autre bord, là. Il y a 70% de vérité, entre guillemets, et 30% de Mensonge. fausseté. Parce que si ce serait 100% de vérité, là, ça capoterait. Même. Il y a toujours des nuances, même Nostradamus, au niveau de ses prédictions, sont bonnes à 70%. Oui, il va se passer des choses quand il faut qu'il se fasse. Les chocs individuels, autant qu'on va avoir des chocs individuels, autant que la planète va en avoir. C'est du macro puis du microcosme dans tout ça, là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a des guerres ailleurs? On lit ça vibratoirement, toute cette chose-là, puis on se demande des fois, pourquoi je suis nerveux? Pourquoi je suis tête? Il y a de quoi dans l'air, là, tu sais, les enfants, puis tout ça, là. On ressent ça sans le savoir, entre guillemets, là. On ressent tout ça, là. Ouais, ben ça me C'est fait comme de penser l'eau. aux tempêtes de neige. Dans le sens Ben que quand là, il va y avoir une tu sais. tempête de neige, moi souvent je le ressens à l'avance, puis je suis un peu plus agité comme un enfant. Ouais. Mais là, ça, là, au niveau physique, c'est qu'une tempête, que ce soit neige ou orage, c'est une accumulation d'ions positifs qui atteint le système nerveux, qui atteint les animaux, qui atteint tout. Puis la tempête en elle-même, c'est une décharge d'ions négatifs. Puis c'est ça, tu sais, quand on dit le calme après la tempête, donc ça, c'est une surcharge d'ions négatifs, là. Donc, mais présentement, avec tout ce qui se passe, avec la technologie, tout ce qui se dégage, c'est juste nos téléphones cellulaires, là, ce n'est que source d'ions positifs. Ça attaque le système nerveux. On est attaqué de tout bord, là, physiquement, mentalement, partout, dans tous les corps qu'on est composé, on est attaqué. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour limiter les dégâts suite à ces attaques? Ben, ces attaques-là, c'est d'un, faut en prendre conscience, ou trois quarts du temps, t'es victime. À un moment donné, là, il y a une prise de position, il faut se définir en tant qu'identité pour se recentrer en dedans. Lorsqu'on est centré, on est en mesure, parce qu'il y a de l'ordre qui se fait, on est en mesure de voir ce qui se passe. Tu te fais ramasser par un torrent d'eau, là, tu sais même pas quel bout que tu es rendu, là. Ben, quelque part, c'est si on continue dans l'image, il y a une colère qui se fait, là. Hop, attends une minute, là, tu deviens le poteau dans le torrent, là. OK, regarde, là, c'est ça qui se passe, là. Parce que si on est embarqué émotionnellement vis-à-vis un événement, c'est sûr que l'événement va nous entraîner. Comprends-tu? Mais encore là, ça, c'est autant par programmation, mais lorsqu'on est en mesure de bien voir et d'observer ce qui se passe, on est capable de comprendre puis de changer la vibration change quand on a une bonne lecture. Puis une bonne lecture d'événements, là, ça fait pas de pétard. Ben, attends une minute. Si tu dis que la vibration change lorsqu'on a une bonne lecture, est-ce que ça veut dire que le fait d'être capable d'observer consciemment l'événement amène à ce que l'événement change et s'ajuste à notre être? C'est ça, c'est l'intensité. Donc, on n'est pas, entre guillemets, victime de l'événement. Ça change l'intensité de l'événement. Mais est-ce qu'on peut interférer sur l'événement? C'est dangereux de parler comme ça parce que égoïquement, là, on va avoir le contrôle. OK? Par contre, quand on est en mode observation, quand la vibration rentre, elle nous met en état d'observation. Et l'événement peut se produire, mais de plusieurs façons, mais d'intensités différentes. Tu sais, c'est comme, je reviens à Daniel, parce que ces choses-là, ça, c'est vraiment mémoriel, mais il dit, la chaise, là, des fois, là, on a passé souvent à côté de la chaise, puis pour te dire, elle va tomber, la chaise, mais à un moment donné, quand tu comprends pas, il y a un coup qui se fait sur la chaise va tomber. Mais quand tu es en mesure de lire l'événement, c'est que le coup va passer à côté de la chaise. Tu vas peut-être avoir un coup, mais la chaise tombera pas. Comprends-tu? C'est que ça change l'intensité de l'événement ou ça ne changera pas. Je ne suis pas là pour faire des prévisions. Mais peut-être que tu en s'enlèves l'effet de surprise. Parce que pendant que tu me parlais, ce qui me venait en tête, c'est que, bon, moi, j'ai été en couple pendant 12 ans avec la même compagne. Puis à un moment donné, ça me dit que la forme était finie. Puis je ne voulais pas l'entendre. Puis à un moment donné, ben, c'est sûr que je me suis séparé avec elle. Mais comme ça me l'avait déjà dit intérieurement, puis je l'avais intercepté, j'avais dit, ouais, OK, ça fait sens. C'est juste que moi, je m'acharnais comme égo à ce que ça continue, mais il n'y a pas eu d'effet de surprise parce que j'avais déjà la préforme que ça allait en venir là, tu comprends? Oui, tu avais l'information, mais c'est sûr que tu appréhendais l'événement émotionnellement également. Oui. Tu sais, quand tu as eu l'information émotionnellement, tu n'étais pas prête, là. Tu sais, ça bouscule, puis là, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, ça part, là, la machine part dans la tête. Là, mais tu sais, j'aurais pas eu autant, c'est-à-dire que si j'avais pas eu cette information-là interne avant que ça arrive, si du jour au lendemain, elle m'aurait annoncé, bon, c'est fini, on se quitte, ça m'aurait créé un plus grand choc que si dans les semaines puis les mois avant, j'en avais déjà eu une mesure vibratoire. Oui, tu as été informé qu'il y a un changement qui allait se faire, un changement de forme. Exact. Il y a un changement qui allait se produire. Mais souvent, on va avoir une information, puis OK, on part avec cette information-là et l'événement se produit. Bon, il y a toujours l'aspect émotionnel là-dedans, mais c'est toujours une question de neutralité, hein. Tu sais, là, on est dans marde, là. Pourquoi qu'on est dans marde, là? Si dans l'émotion, dans le titre, là, ben, il y a une raison. Il y a une raison, là, pourquoi qu'on rentre dans des états émotionnels, là. Évidemment, c'est pour avoir pour atteindre la polarité de l'événement. Puis quand on a la polarité, on est capable de neutraliser cet événement-là, mais encore là, dans la lecture de l'événement. Parce que souvent, on ne sait pas par quel bout qu'on est rendu, là. Ouais. Mais encore là, la lecture de l'événement, on n'est pas intelligent tout seul. C'est dans l'échange qu'on est capable de. C'est en parlant qu'on est capable de voir quelque chose. On apprend. Quand on parle, puis on apprend en parlant, là, tu veux savoir c'est quoi la vibration que ça donne. Sans créer Exactement, de fait que... forme dans tout ça, là. Ouais. Mais souvent, il y a. Voyons, tu vas dire, ben là, j'apprends en même temps quand je parle. T'sais. Exactement. Ça, Donc, c'est nul. Oui. ouais, fait que ça va dans le sens que ton propos que, à quelque part, c'est à travers la parole que l'intégration va se faire dans le quotidien. Oui. Ça s'intègre vibratoirement dans la parole à ce moment-là. Il y a quelque chose qui s'installe. Ça change l'état vibratoire. Hein. Souvent, je ne sais pas si ça le fait avec toi, tu poses une question, mais évidemment, personnellement, si je pose une question puis je veux la réponse tout de suite, ça marche pas. Tu fais la vaisselle, tu passes la balayeuse, mais on est pauvre, c'est une réponse. Ça sort, on appelle ça des bulles, là, tu sais, puis le Oui. doute peut pas se mettre à nous parler 24 heures sur 24, impossible, là. Ça, c'est comme un panneau électrique, là, tu sais, ça va sauter, m'amener. Donc, on a les corps pour absorber le doute dans la mesure, c'est vraiment individuel de tout ça, là. Tu sais, il y en a qui vont vivre telle expérience, ça change leur taux vibratoire parce qu'ils sont rendus là. Oui. Mais quand tu écoutes tous les trucs de Bernard, c'est hyper intéressant et j'en écoute également. Mais tu veux être. Il y a de quoi dans nous autres qui veut retenir ça? Là. Alors moi, là, quand je vais avoir du monde, là, moi, je vais le retenir, cette affaire-là, moi, le dire, tu sais. Mais ça marche pas de même. Moi. Ben non, je veux fusionner. Voyons donc, toi. Voyons donc. Ça marche pas de même. Non, c'est Christy, ça, parce que c'est l'esprit voyons qui donc, là. initie le processus, c'est ça l'affaire, c'est pas l'ego, à la différence des démarches Ah non, spirituelles, ouais. non, ça vient d'en haut, puis attends rien, là. Ça, c'est comme chercher les clés. Plus tu les cherches, moins tu les trouves, là. Ça, c'est la loi des clés d'auto, Ouais, non, ça c'est. Puis finalement, tu finis par trouver sans chercher quand eux autres, c'est-à-dire les forces le décident. c'est en plein ça, là. T'sais. Ouais, mais Par c'est. contre, ça va toujours être le taux vibratoire, là. T'sais. Si, t'sais, comme dans on parlait tantôt, là, sur le CD de Bernard qui parle d'autogénération, autodestruction, il y a un événement qui rentre, c'est une vibration qui rentre. Si on n'est pas capable de la prendre, ça va directement dans le corps, là. Comme la maladie, c'est vraiment au niveau secondaire, le niveau primaire, c'est la vibration. Il y a une vibe qui nous rentre dedans. On la contient ou on ne la contient pas, puis ça déclenche quelque chose. T'sais. Mais nous, on ramasse ça. Là, on a mal dans le dos. Là, je sais pas, il y a des livres là-dessus là, qui disent quand on a mal là, ça veut dire ça. C'est tout dans les formes. Ça, puis ça, c'est du collectif, c'est du général. Là. Mais les gens sont tellement pas habitués de s'informer de l'intérieur qu'ils sont obligés d'aller vers l'extérieur pour se sécuriser. Anyway, là. Oui, ben c'est Mais ouais. ça se fait un petit peu. Tu sais, il y a pas de presse, là. Tout va se passer comme ça doit se passer. C'est que les gens sont pressés puis ils veulent fusionner. Là, comme ça, là, j'aurais pas de problème. Ah, Seigneur, ça va bien. Ça va très bien. Mais c'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus de fusion est problématique pour l'ego parce que ça l'amène à réaliser que c'est pas lui qui contrôle. Fait que dans le sens de vouloir fusionner, ça devient un non-sens. Ben oui. Mais tu sais, tu dis juste la première question, tu sais, c'est pas toi qui penses. C'est toi qui penses? Non. Ben, c'est ça, mais qui pose des questions, tu sais, c'est pas toi qui penses. Je me souviens que cette question-là avait toujours me hantait, pas moi qui pense, mais qui pose des questions, tu sais. Fait que c'est comme juste à savoir, tu vas dire à quelqu'un, c'est pas toi qui penses, là. Je pense que ça se liquéfie par en dedans, là, tu sais, ils savent quoi dire, puis c'est comme ça, là. Puis même, regarde, tu sais, dans le quotidien, OK, je vais leur tenir, là, que c'est pas moi qui pense, puis c'est pas moi qui pense, à un moment donné, ben, ça rentre, tu sais. Puis comme, faut toujours vérifier d'où vient la source de la pensée. C'est quoi? Ça l'affecte-tu le centre émotionnel? C'est-tu neutre? Ça change-tu un état vibratoire? Parce que souvent, si je veux reprendre ce que je disais tantôt, souvent, je vais poser la question, qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Je n'ai pas la réponse là. Donc, on fait d'autres choses, de demander, pouf, ça pop. C'est Ah, ça, OK. mais c'est eux autres qui te le donnent dans leur temps à eux, les plans, Oui. l'information. C'est souvent un moment où ce que tu fais un lâcher prise de l'ego, puis tu n'es pas en mode réflexion ou en désir d'avoir réponse. Voilà. Mais il peut Puis exister ça, aussi oui. l'opposition créative s'appuyant sur la colère vibratoire où quelqu'un va faire sortir l'esprit de son silence, comme Bernard de Montréal parlait, pour Oui. l'amener à parler le double. Oh, aller solliciter. Il faut solliciter. Ils sont là. Anyway. De toute façon, ils sont là, là. C'est juste qu'on va vers. Il faut leur parler, puis ils vont venir. Ça vient. Ça vient à quelque part. En fait, anyway, c'est nous autres. C'est nous autres sur un autre plan. Ça fait que c'est questionner pour voir qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans. Ils vont te donner une réponse, mais souvent, de un, tu t'en souviendras même pas. Puis souvent, je vais poser la question, pourquoi vous me présentez ça? Ça change l'état vibratoire. Anyway. C'est toute une question d'énergie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on essaie de contrôler ça là, par la pensée, nous autres, là, ça va bien la game. Là. Mais on est habitué, depuis des millénaires, ça a toujours été comme ça. Ah, je suis donc je pense. Oui, Ça va avec toujours venir quelque Descartes part, et là. le cartésianisme qui nous donne l'impression que justement notre identité repose sur le fait d'avoir une activité réflexive. Ah, monsieur, ben, je pense, je suis, toujours je, là, m'emmener, là, parce que ça rabaisse tellement, ramasser tout ça dans le jeu, là, ça rabaisse le taux vibratoire, tu sais, puis tu tournes en rond, c'est circulaire, tout ça, là, quand tu parles dans le jeu, quand tu parles en dehors, quand il y a une parole vibratoire, c'est que ça part de haut en bas, c'est une spirale infinie. C'est une spirale infinie. Me l'ont déjà montré, c'était quoi la folie? C'est un cercle. C'est toujours les mêmes pensées qui arrivent dans la tête, puis avec l'émotion, puis ça l'accélère, puis ça devient fou dans la tête. Tandis Ouais, que. il y a un enlisement psychique dans la personne, c'est un peu comme un sable mouvant, puis ça tourne en rond, ouais. Ça tourne en rond, puis ça fait juste augmenter le taux vibratoire émotionnel qui est là-dedans, même l'émotion, une vibration, là, mais c'est très bas, puis on est pris là-dedans, là, puis ça tourne, puis on n'a pas de réponse, là, tu sais, Ben, c'est comme un bug avoir des réponses. d'ordinateur. L'image qui me vient en tête, c'est le bug Ah! d'ordinateur. Puis tu sais, ça tourne en rond, puis la page finit jamais de charger, là. C'est en plein ça. Bon. L'image est excellente, David. Ça tourne en rond. Puis là, ça demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, c'est tanné de tourner en rond. Là. Quand c'est écœuré d'être écœuré de tourner en rond, il y a de quoi qui se passe. Là. Mais tu sais, ça va aussi, comment je dirais, ça va aussi avec la question de contenance. Tu sais, à un moment donné, là, on peut plus contenir. Là. Tout déborde. Là. Hop, à un moment donné, OK, ça arrête là, là. Là, ça suffit, ça l'arrête là. Encore là, c'est pas de créer des formes, mais ça se passe de même. À un moment donné, ou bien non, tu tombes malade, il y a un accident, il y a quelque chose il y a un événement qui va arriver. De toute façon, il y a toujours un choc, peu importe la grandeur ou la petitesse du choc, il y en a un qui se passe. Il faut être à l'écoute de ça. Ça veut dire quoi? On est toujours, c'est de nous vers l'extérieur tout le temps, mais Présentement, l'attention collective est tellement forte. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'exploser, là, ça plane. Tout le monde va bien sur Facebook en passant. Là. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Mais alors, va voir en arrière quand ça arrive dans la salle de bain, Mais que ça ferme la porte, c'est là. un autre, c'est un autre aspect sur Facebook. Souvent, les gens vont se présenter sur un jour favorable, puis ils vont retoucher leurs photos avec Photoshop, tu sais. Ben, ça, c'est la réalité, là. C'est très représentatif, là, de comment on est, là, au niveau émotionnel. Parce que là, ça me parle de la personnalité puis de la personne, tu sais. Ça joue que sur la personnalité, là. On va arranger les photos, Facebook. Tout le monde est heureux d'un party. Ben, ils ont pas, on, le, il y en a donc sur le visage de certains, là, ça rit, mais regarde, il se passe quoi en arrière de ça, là, tu sais. Mais ça, c'est encore là, Facebook, c'est du collectif total, là. C'est Ah une oui. mer de vibrations absolument, là, horrible, là. Pour avoir le pouls de tout ce qui se passe, là, tu sais, il y a de la doctrine, il y a de la... Oh, Ah c'est oui, ben, fou, je là. vais te raconter une petite anecdote sur Facebook. Vas-y. Quand que j'étais avec ma compagne, elle allait souvent sur Facebook voir les photos d'une de ses amies, puis elle était avec son chum, avec des voyages, puis, tu sais, elle dit, ah, ils ont l'air heureux, eux autres, puis... Tu sais, elle se dévaluait, elle disait, ah, ben nous autres, on voyage pas autant qu'eux autres. Mais je dis, elle fait attention, Facebook, c'est pas nécessairement la réalité. Puis là, après une couple de mois, on a appris que finalement, ils se sont séparés. Tu sais, c'était un petit couple. Voilà. Puis il avait l'air bien fin, là, sur Facebook. Puis il escaladait des montagnes, puis les belles photos. Puis on pensait qu'ils étaient, je sais pas moi, 1000 fois plus heureux que nous autres. Mais finalement, ils se sont séparés, puis ça allait pas, tu sais. Ben, c'est ce qui se passe sur Facebook, là, l'aspect de comparaison collective versus individuel, là. Il y en a, là, tu sais, ils n'ont même pas la vraie image d'eux, anyway, là, tu sais. Puis ça vit, là, dans une irréalité totale, qu'ils ne sont pas capables de contenir leur propre réalité, tu sais. Puis après ça, la réflexion, ça l'embarque. Regarde, eux autres sont plus beaux, sont plus fins, sont plus minces, sont moins gros, sont plus heureux. Hey, regarde, c'est la débandade totale. Mais à un moment donné, il y a un événement qui se passe, puis ça nous retire de beaucoup de choses, puis ça nous ramène à l'intérieur. On n'aura pas le choix. Présentement, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements, et ça nous ramène à l'intérieur. C'est pas une protection, c'est pas... Faut faire attention aux formes, là. Il n'y a pas de recette là-dedans, là. Faut être clair, là, OK? Il n'y a pas de recette. Puis c'est complètement individuel. Mais par contre, les gens ont besoin de. Les gens commencent à s'éveiller, là. Ça commence à. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrances internes qui se passent au niveau des gens. Puis les gens n'en parlent pas, entre autres, là. Puis, non, parce que tout. C'est comme Facebook, là. Notre corps, là, qui se présente au bureau, là, faut que je sois correct. Faut que je sois correct, là. Tout va bien dans mon monde. Pourtant, là, tu fais juste ouvrir un petit peu la porte, puis c'est affreux, là, ce qui se passe, mais il y a beaucoup, beaucoup également de dépression, des burn-out, tout ce que tu veux, là. Ben, c'est la Les gens maladie du sont plus siècle. capables. C'est ça, exactement. La quantité de burn-out explose. Il y a différentes problématiques, troubles de déficit de l'attention, ensuite l'autisme chez les jeunes. Ah, Ouais. mon Dieu, c'est les jeunes qui sont. Mais eux, ceux qui sont en hyperactivité, ils vivent dans un futur, dans notre présent, dans le rythme. Eux autres, là, quand le temps va finir par s'accélérer à son maximum, eux autres vont être sur le idle, là, t'sais, ils vont être dans le rythme. C'est nous autres qui suivrons plus ça, là, Ouais, ils t'sais. vont être sur leur vitesse de croisière, tandis que les gens Absolument. qui sont pas hyperactifs comme eux, ben c'est eux autres qui vont être déphasés par rapport au Ben, rythme on de va être la déphasé, société. certains. Ben, quoique présentement, il y a déjà du déphasage. Si on pense au niveau des Ben nouvelles technologies, t'sais, les personnes âgées par rapport à oui. Internet puis le téléphone intelligent, ben il y a des difficultés d'adaptation là, dans plusieurs cas, là. Ah, mais c'est parce que les gens veulent, ils forcent, mais tu peux pas demander à un poisson un crétin énorme. Mais il y en a bien des poissons qui essayent de. Je veux pas être péjorative là-dedans. Le poisson, mais un poisson, c'est fait pour nager, c'est pas fait pour grimper, t'sais. Mais les gens veulent absolument comprendre. Et c'est in d'être à mode dans tout ce qui se passe, là, t'sais. C'est sûr, là, t'sais, bon, il y a des plaisirs là-dedans aussi, mais par contre, faut pas que ce soit à notre détriment. Puis, t'sais, c'est comme vivre au-dessus de ses moyens, là. Ah, ça paraît bien, regarde, le beau char, la belle maison, mais à un moment donné, il y a toujours quelque chose qui nous rattrape quand on contient pas les choses. Ben oui, ben on l'a On vu avec peut. la crise économique aux États-Unis en 2008-2009, où il y a plein de gens qui avaient acheté des maisons qui étaient davantage élevées que le coût de leurs moyens réels. Puis là, il y a eu les problèmes de Ouais. faillite là, des maisons en grande quantité, là. Ben absolument. Mais les événements qu'on tu sais, égoïquement, on veut aller vers ça, puis on aimerait ça, on admire. Tu sais, quand t'admets quelqu'un, là, c'est parce que lui, il est grand, puis toi, t'es petit, là. Ouais, t'admets, mais toi, tu essaies de monter ça, là, aller vers le grand, mais c'est pas dans ta vibration. Tu sais, puis ça t'éloigne vers l'extérieur de toi, là. Donc, vibratoirement, ça marche plus, là. Il y a un déphasage vibratoire qui se passe, là. Mais des fois, l'émotion est trop forte, puis on y va. Ouais, on y va, mais à un moment donné, part. OK, ça rentre, ça frappe. Ouais, ben c'est OK, comme quelqu'un là. qui voudrait être un athlète olympique alors qu'il n'y a pas la programmation génétique pour ça, tu sais. Ben absolument, mais ah, mais tu sais, il y a eu comme modèle telle personne. Encore là, on lui a fait penser ça, tu sais. Mais pour aller voir jusqu'où qu'on est capable d'aller. Puis quand les événements arrivent, c'est toujours pour tester jusqu'où qu'on a une résistance là-dedans. Quand je parle de résistance, de neutralité face aux événements, là, c'est sûr que t'as le choc, là, bang, ça arrive, là. J'en ai eu un personnellement, là. Puis tu te demandes pourquoi. Puis là, ça continue, puis ça continue, puis c'est un événement après l'autre, plein d'affaires, là. Tu te dis, wow, attends une minute, qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans, là? Parce que juste en posant cette question-là, ça ranime à quelque part. Ton taux vibratoire va changer là-dessus. Puis c'est que ça l'amène à une neutralité, parce qu'il faut lire, la lecture se fait dans une neutralité. T'sais, Mais, pas ouais. d'impolarité. Non, c'est sûr, parce que dans la polarisation de l'ego qui est réactif par rapport à l'événement, il va vibrer émotivement, tu sais, que ce soit de la Voilà. tristesse ou de la joie, s'il évalue dans sa réflexion qui est favorable ou pas l'événement par rapport à lui, là. Ben absolument, mais c'est si on est rendu dans la polarité de l'événement, c'est parfait. C'est parce qu'il faut être là. Il faut être là. Donc, chaque Ben, attends une événement minute, qui attends une arrive. minute. Quand tu dis être dans la polarité de l'événement, est-ce que tu veux dire de l'émotiver? Oui, émotionnellement, là. T'sais, OK. on n'est pas des supermen non plus, là. Puis le double utilise, il va tout utiliser pour nous tester tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est où? Puis quand on parle d'émotion, on parle d'entité, donc c'est eux qui nourrissent, puis là, on part la roue là-dedans, puis on la vit. T'sais. Mais à un moment donné, on n'est plus capable, là. On C'est là n'est plus qu'on devient capable, là. détestable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être Des testé. Ben, c'est ça, là, tu sais. Mais ils vont toujours nous tester. Ouais, Ils je dis vont ça à la toujours, blague, toujours nous là. tester. Ah, regarde, j'ai réussi, là, à passer cette affaire-là, tant de minutes, toi, là, jusqu'où, tu sais. Mais on ne le sait pas, ça. Encore, tu Ben, sais. des fois, ça peut nous parler intérieurement. Tu sais, à un moment donné, Oui. ça m'a déjà dit, fais pas trop ton smart, là, avec tes affaires d'émission, tu Ah, sais. Ouais. regardons. C'est Ouais. bon, ça. Puis ça réagit comment dans toi? Oui, j'ai dit, oui, c'est vrai. Faut pas que je sois orgueilleux avec ça, puis j'en fasse du pouvoir, vu que j'ai interviewé plein de monde, tu sais. Ben oui, c'est sûr. C'est facile de ramasser ça dans l'ego, là, cette affaire-là. Exact, parce que ça peut être facile de se croire intelligent, vu qu'on parle avec plein de monde dans le domaine de la conscience, tu sais. Ah, ben là, c'est que tu es au-dessus de. Voyons donc, toi. Toi, tu fais poser des questions, t'as une émission de radio, tu poses des questions. C'est comme si tu étais en retrait de. Puis c'est toi qui mène la game, t'sais. Mais y a-tu un événement qui t'a fait cliquer ça, ou ben non, c'est arrivé comme ça, ou t'as posé la question? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, j'étais un peu orgueilleux, tu sais. C'est sûr, je m'en vante pas, là, mais à un moment donné, tu sais, je me dis, ah, je suis pas comme les autres, me semble, je sais plus de choses, blablabla. Puis à un moment donné, ça m'a comme cassé en disant, c'est fais attention à ton mouvement parce que tu vas c'est comme si je vais monter en orgueil par rapport à ça, puis le spiritualiser, tu sais. Ben, c'est correct aussi, là. Tout ça est correct, là. Sinon, là, faut pas que je fasse ça, je faut pas que je fasse ça. Mais à un moment donné, on est dedans, qu'on le sait pas. Mais à un moment donné, on est dedans, qu'on le sait, là. Hop, à ta minute, là. C'est comme ça. Là, vibratoirement, il y a un événement qui t'a cliqué, là-dedans. Là, il y a un élément qui s'est passé, puis qui t'a permis de voir ça, là. Parce que oui, c'est effectivement, c'est le fun, l'interview, là, ça va par la masse, là, tout ça, là, tu sais, on va être populaire, on va être bien populaire. Non, c'est Mais ça. Ouais. je veux dire, à quelque part, c'est correct de le vivre aussi, tout ça, là, tu sais, c'est plus du virtuel, tu le vis, là. Puis là, t'es dans ça, t'es dans le chaudron, là, puis là, tu t'aperçois, oh, ta minute, là, ça vient trop chaud, là. Fait que t'as eu l'intelligence de reculer, là, de le voir. Tu sais, là, quand tu vois les choses, quand il y a de la lumière là-dedans, là, on est capable de le voir, là. T'sais, puis, ah, OK, c'est ça, puis c'est comment t'agis là-dedans, là. Tu sais, c'est vibrer puis agir, oh, tu l'as vu. Fait que ton état vibratoire change à ce moment-là. Il y a d'autres choses, ça se passe pas. Tu vas dire les mêmes mots, les mêmes affaires, mais dans un état vibratoire différent. T'sais? Parce que là, nous autres, on se demande, ah, regarde, je vais vibrer, puis ça va faire telle affaire, puis regarde, c'est la merde. Excuse-moi, c'est la crise de merde, Non, là. non, mais c'est bien correct. Moi, j'aime ça que les gens s'expriment avec franchise dans mes enregistrements. Ah, ben Donc, oui. je te demanderai pas d'avoir le beau perlé et de t'écouter parler. Ben, tu sais, les mots sacrés, ça veut tout dire, parce que c'est très, très, très vibratoire, là, les mots, là, tu sais. Puis l'Église morale, elle voulait pas qu'on utilise ces mots. Même le Christ qui passe dans une conversation, ça change la vibration. Ah oui. Puis c'est juste au Québec, en passant, là, c'est pas les Français qui ont ça, là. Je respecte énormément les Français, mais c'est pas ça. Ici, là, c'est différent, là. Puis, tu sais, c'était mal vu, c'était Ah mal oui, ben les jurons socialement, québécois, là. là, c'est ça, exact, parce que c'est associé à des formes religieuses, là, tu sais, crise de tabarnak de Ben ce petit calice, là. oui. Disons que ça fesse davantage que putain de bordel de merde. T'sais, mais c'est dans leur culture et tout ça, c'est dans la nôtre, mais c'est très vibrant ici au Québec, Ah ça. ouais. Le Québécois, c'est un peuple vraiment à part et rebelle de tous les bords, là. T'sais, puis c'est les terres. Tu savais que Hitler voulait faire entretenir ou faire pousser, j'ai rien que ça dans la tête, là, faire pousser sa race aryenne ici au Québec. Ah non, ça je le Pourquoi? savais pas. Oui. Lui, là, sa race aryenne, sa race parfaite, là, c'était ici, c'est sur les terres ici, là, qu'il voulait faire ça à un moment donné, là. Pourquoi? C'était dans ses plans, lui, parce que, ben, lui, il avait choisi le Québec. Pourquoi? Ses vibrations, oui. Il y avait beaucoup de magie noire dans le cas d'Hitler, puis tout ça, là. De toute façon, il y avait une fonction à faire, tu sais. Mais ça, puis ici, au Québec, la particularité du Québec, on n'a pas de mémoire collective, là. Il n'y a pas de guerre. Bon, il y en a eu, il y a plein d'affaires, là. Mais il n'y a pas des guerres comme, tu vois, en Iran, puis tout ça, là, des peuples qui sont là depuis toujours, là, tu sais, qui sont carrément mémoriels, ces peuples-là. T'sais? Puis, comme Daniel disait, il dit, même les gens qui arrivent ici, ça change le taux vibratoire de tout le monde. Là, t'sais? Ici, au Québec, là, il y a des courants telluriques qui sont partout, mais c'est une terre, le Québec, particulière pour le taux vibratoire. Exactement. Puis aussi par rapport aux ressources, on est au Québec puis au Canada, un endroit où ce qu'il y a le plus d'eau potable sur un Mais là, c'est vaste. une richesse extraordinaire, Ben là, oui, c'est ça. effectivement. Surtout avec les problèmes de pollution actuels qui vont sans doute s'empirer dans les prochaines années. Ben c'est sûr qu'éventuellement, l'eau va devenir l'or bleu. Ah, absolument. Donc, C'est ça, c'est en plein ça. puis il y a aussi Mais l'espace. Parce qu'on a un vaste territoire. Au mon Canada, on a à peu près 30 millions d'habitants Dieu. sur un vaste territoire. Tandis que, au Japon, une ville comme Tokyo, si je ne m'abuse, sont à peu près à 30 millions juste pour une ville. Fait que. On est un vaste peuple réparti sur un vaste territoire, fait qu'il y a de la place en masse pour qu'il y ait de l'immigration ou des gens qui viennent d'ailleurs vivre ici. Mais il y a une raison pourquoi les gens viennent ici. Ça fait partie de leur programmation. Si on passe au deuxième là-dessus, t'imagines-tu les gens, tu sais, à 30 millions dans la densité vibratoire qui doit exister là-dedans. C'est pour ça que l'individu n'existe pas là-bas, là. Puis, à un moment donné, ben, imagine, tu sais, que les vibrations descendent, puis là, l'individu devient important là-dedans, là. C'est le choc total, là. Ils ont toujours fonctionné Ben, par ça dépend, ça dépend. collectivité. Je vais juste ajuster un peu, en tout cas, selon ce que je perçois, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais le Japon, au cours des dernières années, entre autres avec le développement d'Internet, les médias sociaux, chez les jeunes japonais, de ce que j'ai perçu, entre autres, ceux qui sont, admettons, des otaku, il y en a qui vont carrément délaisser la société, passer leur temps sur Internet. Il y a comme un phénomène de rébellion par rapport à l'autorité, au conformisme. Puis t'as des jeunes aussi qui vont se déguiser en manga, ils vont porter des costumes avec des perruques. Il y a un côté plus rebelle, je trouve, qui commence à Chez poindre les chez les jeunes, jeunes, ouais, au Japon. ça passe par là pour eux autres, là. Mais tu sais, les fameux événements, là, les événements apocalyptiques. C'est tout en énergie qui va atterrir dans le dernier corps qu'on est. On est une condensation d'énergie, le corps humain, là. Oui. Comprends-tu? Puis, ce qui se passe, c'est plein, ça se passe ici aussi, là. Ben oui, tout Ouais. est interrelié. Donc, s'il y a de la guerre sur les plans, c'est parce qu'il y en a aussi sur la Terre. Ben, ça s'en vient ici, là. Hein, c'est déjà là. Ça prend un temps de passer, mais à un moment donné, vers la fameuse accélération, puis les choses vont se passer, hein. Mais comment ça va se passer? On n'a pas à s'occuper de ça. Anyway. Il y en a là que c'est rendu. Il y a beaucoup de vedettes qui. Il y en a un qui est passé, là, je me souviens plus, c'est un chanteur. Il fait de l'anxiété environnementale. Là, c'est nouveau, là. Ça sent les gens Excuse-moi, panique. j'ai manqué le mot. Il fait de quoi environnemental? De l'anxiété Oh environnementale. Ça, c'est un boy! nouveau mot, là. Les gens, ils ont peur de qu'est-ce qui va se passer au niveau environnement puis tout ça, là. Effectivement, il y a des grands changements vibratoires. Ceux qui s'occupaient les esprits qui s'occupaient entre guillemets, là, je veux pas trop rentrer là-dedans, mais de l'environnement, se sont retirés. Donc là, les vents, tout ce qui est, tous les éléments naturels vont s'accentuer. Il n'y a plus de contrôle au niveau, Ben, parce attends, qu'avant, attends, c'était attends, minute. contrôlé, là. C'est-à-dire que il va y avoir un changement de chiffre, c'est-à-dire qu'il va y avoir éventuellement l'instauration du gouvernement supramental. Fait que c'est l'astral qui va se tasser pour qu'il y ait des esprits au niveau supramental qui en fassent la gestion. Écoute, tu t'emmènes quelque chose que j'ai, je te dirais, jamais entendu. Mais peu importe la façon que ça va se passer pareil, que ce soit supramental, astral, whatever, il y a des événements qui vont se passer. Oui. OK? Puis c'est tout dépend comment ça va être reçu de notre part, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Si on est dû pour partir faire un autre plan par rapport à ça va se faire anyway. L'idée, c'est juste d'attendre que les événements se passent, pas d'essayer de les contrôler. Anyway, là, ça Ben, marche pas de même. quoique, dans le fond, en lien avec l'artiste qui faisait de l'anxiété environnementale, une nouvelle forme du trouble anxieux, c'est que j'ai quand même l'impression que l'être humain a quelque chose présentement à faire pour réduire, entre autres, la pollution atmosphérique, là, pour qu'il y ait une meilleure harmonie entre l'être humain et l'environnement, là, meilleur équilibre. Ben oui. Ouais, mais écoute bien, là. Tu sais, ils veulent. Il y a une conscience qui se passe, OK? Il y a. On commence à voir le tableau, là, puis les effets que l'humain a fait. Mais les humains ont fait, là, c'est la business, hein. Tu sais, t'as acheté ton fantastique, là. C'est une compagnie qui l'a fait, là. T'sais. À quelque part, là, y en a beaucoup, là, qui arrivent avec la simplicité volontaire et tout ça, là, par bonne conscience, tu sais. Ouais. Ben, ils font, mais le gros, c'est toutes les grosses compagnies, entre autres, là, qu'eux autres, ils changent pas rien, ils sont sur le marché boursier. Ils vont-tu changer leur formule de fantastique, là, puis hey, c'est propre. Et là, il faut enlever les bactéries, là. C'est absolument, là, c'est crotté, là, quand Mais sous la tu pression nettoies pas avec ça, là. sociale, il y a eu des ajustements qui sont faits. D'ailleurs, on a vu apparaître des aliments biologiques là, depuis les dernières années sur nos tablettes d'épicerie. Ça a Donc, toujours été ces aliments-là. C'est juste que les autres aliments ont pris toute la place, t'sais. Mais le bio, puis tout ça a toujours existé, là, oui, à la t'sais. base, c'était bio. Après ça, il y a eu l'agriculture industrielle. Puis là, tranquillement, ben, je sens qu'il y a comme un retour vers le biologique qui se dessine, là, je veux dire. Il y a une plus grande place, en tout cas, d'aliments qui sont affichés officiellement biologiques, là. Ben oui, mais là, c'est ça. Mais là, il y a une conscience. Il y a une conscience qui. Les gens. Il y a une conscience individuelle qui s'installe. Puis, tu sais, dans le bio, puis dans l'industriel, puis tout ça, c'est toute une question d'énergie, puis de résonance vibratoire, là. Tu sais, quand tu manges bio, il y a de quoi qui se passe là-dedans quand tu le fais, quand tu achètes, là. Tu sais, tu rentres, mais. J'aime aller chez Tau. J'aime aller chez Rachel Berry. Il y a comme une. Le taux vibratoire, il n'est pas pareil. Mais encore là, c'est individuel. Puis ça, moi, j'ai une belle résonance là-dedans, là, tu sais. Puis quand tu rentres, entre guillemets, chez Maxi, c'est du capharnaüm total. C'est la vibe là-dedans, là. Tu t'arrêtes, tu fermes les yeux, tu essaies de lire ce qui se passe, Oui, la vibration est là. moins belle que chez IGA ou Bon, d'autres c'est ça. supermarchés. Moi aussi, c'est la même chose que j'ai capté. T'sais, mais c'est encore là, c'est vibratoire, c'est ça fit ou ça fit pas, là, t'sais. Tout est énergie, David, t'sais. Mais à un moment donné, avec les événements qui se passent, puis à savoir ce qui se passe, bon, on est capable de reconnaître les vibrations qui se passent, là, t'sais, sans que ça passe évidemment par l'intellect, mais. À un moment donné, je sais pas, tu conduis, puis je sais pas si ça t'est déjà arrivé. À un moment donné, tu te demandes où ce que t'es, là. Tu fais le même chemin, à un moment donné, pouf, tu sais même plus où ce que t'es, là. Puis là, tu t'en vas, là, puis t'arrêtes devant. Mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Tu t'arrêtes, puis oh, ben là, écoute, je suis souviens d'aller là. Ouais. J'avais un but précis. Il y a un but précis qui se passe en auto. Ça marche plus, on dirait que je suis toute. Je sais pas, j'ai la tête vide et tout Non, ça. c'est comme OK, si ben je vais tu... aller là. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme tu pars avec une intention, puis là, tu es en auto, tu perds comme le fil, puis après ça, tu es arrivé à une place, puis tu essaies de voir pourquoi que où est-ce que tu allais, tu sais. Ah, mon Dieu. Puis c'est très, très fort, hein. Je vais te conter quelque chose. Hein. Oui. J'ai eu une otite Oui. en novembre passé. J'ai été voir un premier médecin. En fait, j'avais appelé mon médecin de famille, puis il ne m'a pas rappelé. Bon, j'ai été voir un médecin comme ça en urgence. Je l'ai vu. Il est arrivé quelque chose avec ce médecin-là, mais il m'a prescrit des antibiotiques. Je pars avec ça. La secrétaire m'appelle vers 7 heures le soir, 19 heures, pour me dire ben, je vais te donner un rendez-vous. Mais j'ai jamais été capable. Oublie le rendez-vous, je le veux pas. Elle, ce qu'elle a entendu, puis ce qui est sorti de moi, OK, je le prends le rendez-vous. Mais dans ma tête, c'était pas ça, là. C'était ce qui est sorti de ma bouche, là, c'était que OK, le rendez-vous, je sais même pas comment ça a tourné, je m'en souviens plus. Mais j'ai conservé ce rendez-vous-là. Puis une chance que c'est arrivé parce que l'infection que j'avais s'aggravait d'une façon phénoménale et je devais avoir ce rendez-vous-là. Mais ça a été complètement, là, j'ai, à un moment donné, quand j'ai vu la secrétaire, puis on se connaît bien, j'ai dit, t'as-tu compris que ce que j'ai dit? Elle dit, ouais, mais c'est flou, mais je t'ai mis le rendez-vous pareil. T'sais? Ah non, c'est ça. Tu vois comment c'est planifié, là? C'est précis, là, cette affaire-là. Une vibe, c'est précis, tu sais. Mais, tu sais, si on met du sugarcoat dessus, là, l'expression, puis on beurre ça d'émotion, on n'est pas capable de voir clairement ce qui se passe réellement dans nous, là, tu sais. Tu sais, là, ça ballotte d'un bord, de l'autre. C'est toujours émotionnel. Puis, nos références, là, on va bien parce qu'on va bien émotionnellement. C'est la merde, là, tu sais. À un moment donné, tu vas te rendre compte, on se rend compte que c'est de la merde, ces états-là. Non, exactement, Parce parce que... que souvent les gens voient comme sur le plan émotif leur bien-être associé à un état d'euphorie, de joie subjective. Imagines-tu les polarités qui se créent dans ce temps-là? Exactement. Oui. Donc, à un moment donné, ben, ça, tu montes moins haut, tu descends moins bas, tu montes moins haut, tu descends moins bas. Parce que les gens, ils s'imaginent, ben là, si j'ai plus d'émotions, ça va être plate. Mais juste quelqu'un qui parle de même, tu vois dans quel état qu'il est. Ben, tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire, là? Ah, moi, j'aime ça, là, du Bernard, là, puis là, ça parle, puis la neutralité, là, mais là, ça va être plate. Parce que la personne n'est pas encore en état de elle projette qu'est-ce que ça va être. Donc, elle essaie de contrôler ce que ça va être. Être en état de fusionner, comment tu là? Oui, être en réflexion, la personne, tu sais, par rapport à l'état au lieu de l'expérimenter. Ben, c'est ça, là. C'est qu'on Exactement. projette, on contrôle, ça contrôle, ça veut projeter en avant, ça veut contrôler le futur. C'est que les gens sont dans le passé ou dans le futur, mais sont rarement dans le présent, là. Il y a trop, trop, trop de sollicitations extérieures pour qu'on se ramène vers le présent. Mais ça, c'est la volonté. Il y a une volonté qui se développe en dedans de nous autres pour dire, OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Il y a une volonté, il y a une vibration qui rentre, là. Puis ça rentre, là, des fois, là, c'est fulgurant, là. Tac! Ça t'oblige à arrêter. Il faut, à un moment donné, il faut s'arrêter. Encore là, c'est pas une recette que je donne, Non, non, mais mais quand la anyway. personne a la vibration de s'arrêter, il faut qu'elle s'arrête. C'est tout simple que ça, tu sais. Ben, t'as pas le choix. Ça Ouais. s'arrête, anyway. Non, Anyway. exactement. Sinon, je voulais discuter avec toi du crudivorisme, parce qu'on a discuté tantôt sur Oui. Facebook, puis tu mentionnais que tu pratiquais le crudivorisme. Donc, j'étais curieux Oui. d'en savoir un peu plus à ce sujet. Le crudivorisme est arrivé en 2008 par hasard, guillemets, des vies, des hasards. En 2008, j'avais une atteinte rénale. J'allais en dialyse. Quand le médecin m'a annoncé ça, j'ai dit, OK, ben, journée végétarienne. Ah, c'est pas prouvé, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais il dit, fais qu'est-ce que tu veux, je veux des résultats. J'étais à 29,4 grammes, puis à 32, ça dit, allez. Ça, c'est juste des chiffres, OK, que je te donne. Oui. Et cette fin de semaine-là, j'ai une amie, Marie-Chantal, elle arrive, puis elle comprend pas anglais, et elle m'a fait traduire au complet Food Matters de l'Institut Gerson en Floride. Les gens vont se faire traiter là-bas pour quand ils ont des cancers puis tout ça là, mais ils deviennent ça mange cru là-bas là, puis bio entre autres là. Donc le fait de traduire, moi ça m'a rentré dedans là. Donc on était le samedi puis le dimanche, OK, fini la viande. C'était vibratoirement, j'ai été ramassée, là, une vague de fond. Là, il y avait urgence à quelque part, intellectuellement, il y avait une urgence médicale là-dedans. Mais la vibration de ah, mais elle est là, mon frère, ça, on, moi, OK, c'est beau, moi, c'est faisable. Puis j'étais végétarienne 2 semaines, végane à peu près 3 semaines. Puis j'ai rentré dans le crudivore, là, puis c'est une folie faire ça, là. Il y a bien du monde, mais hey, t'as fait ça demain. Mais écoute, la vibration était là. Et évidemment, en 2008, tout était en anglais, mais tout, là, j'ai étudié, ça l'a étudié, ça m'a fait étudier. J'étais en état de réception de tout ça et j'étais suivie médicalement par les médecins, là, surtout pour les reins. Puis j'étais à 29 quand je l'ai vu, là, c'était à l'automne, mettons, 3 mois après, mais je suis rendue à 26. Après ça a pris un an, là, puis mes reins sont régénérés au complet. Ah, Après ça, un c'est excellent. Donc, ton an. Oui. alimentation a favorisé donc la santé de tes reins. Ben, tout. Tout. OK. Tout. Puis, J'avais ouais. des cycles menstruels à me coucher par terre. C'était un changement là, incroyable de partout. autant mental que physique, mais j'étais dans cet état-là à ce moment-là, là. Puis ça a duré 3 ans. Puis ça a été une expérience. Je l'ai faite. Tu sais, ils disent souvent, c'est du 100%, mais le 100%, c'est que tu manges cru 24 heures, hein, tu sais, les 3 repas. Mais le 3/4 des gens vont prendre cru le matin, cru le midi, dans les collations, quand cru, là, c'est. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, là, mais il y a une énergie qui se passe. Tu reçois pas l'alimentation, tu reçois l'alimentation d'une autre façon. C'est toujours comment c'est reçu dans l'état où t'es, dans la vibration où t'es. Je t'expliquais tantôt, essaye-le 3 jours, au bout de 3 jours, pas de viande, mange juste cru, commence par des salades, mais Ben, attends une minute, ça parce peut que moi, jouer. je viens de passer un mois. J'ai passé le mois de Oui. février au complet à pratiquer le végétarisme. C'est-à-dire Oui. que j'ai pas mangé de viande. Puis le crudivorisme d'une manière occasionnelle. C'est-à-dire que j'avais encore des repas crus, puis cuits, tu sais. Mais je l'ai pas fait pendant 3 jours consécutifs, juste manger cru, là, sans cuire la nourriture. Ça, je l'ai pas expérimenté encore. Oui. Mais là-dedans, tu as des smoothies, tu as un paquet de choses, là. Mais c'est que 3 jours, tu sais, il y a une vibration dans les chiffres aussi, dans les états, mais 3 jours, il y a quelque chose qui se passe. OK. Encore là, c'est individuel, tu sais, puis et tu te sens tellement bien, il y a tellement d'énergie là-dedans, là, qu'à un moment donné, si tu reviens dans tes anciennes habitudes, là, il y a quelque chose qui ralentit. Ah, OK. Attends, on va continuer notre journée. Ah, ben gars, ça va bien, c'est le fun, il y a plein d'énergie. T'es pas fatigué. Il y a un état là, qui s'amalgame dans tout ça, là. Tu Oui, ben sais, en tout cas, moi, pour ce qui c'est. me concerne de ce que j'ai vécu par rapport au végétarisme, là, c'est que quand que j'étais plus jeune, des steaks, j'en avais pas envie. Puis bon, c'était ma mère qui faisait des steaks. Fait que là, il fallait que je m'adapte. J'avais une pression sociale. Puis j'aimais pas ça. Puis j'avais de la difficulté à gérer ça. Puis là, j'ai arrêté de manger complètement de la viande. Puis je suis heureux. Puis j'ai pas la vibration de recommencer à manger du gros steak, là, tu sais. T'as pas le besoin d'en manger. T'as pas le Aussi. besoin émotionnel de manger. Parce que les gens compensent énormément émotionnellement par la nourriture. Tu sais, puis qu'est-ce qu'on voit dans la télévision, dans les publicités, le 3/4, c'est de la nourriture, c'est de la bouffe, la malbouffe, là. Donc, les gens relient la nourriture à un état, à une récompense émotionnelle. Mais à un moment donné, ça s'arrête, puis tu dis, OK, on va nourrir le corps. C'est une autre vibration, cette affaire-là. Puis, quand le corps est nourri, il n'y a plus faim. Exactement. L'acte de faim, puis je parle pas d'une faim émotionnelle, alors j'ai goût de manger des chips, j'ai un goût d'eux, ça c'est émotionnel, mais à un moment donné, le corps, dans sa physicalité, a faim parce que là, il a besoin de nutriments pour fonctionner. Mais là, c'est déclenché, là, tu sais, c'est bien gros relié à l'émotion, la nourriture. Mais à un moment donné, ça change, tu sais. Puis là, tu prends conscience que manger ça te va. Même si tous les livres, là, puis tous les diététistes, là, de la planète te disent de ne pas manger de même, là, moi, ils sont tombés par terre, là, la diététiste, là, tu sais. En plus, c'est mon médecin qui me l'envoie. Elle m'a dit d'écrire pendant 5 jours ce que je mange. Elle m'a appelé en urgence. Elle dit, comment tu fais pour vivre? Bien, ça fait 2 ans que je mange de même, Ben là, tu parles-tu du là. Hey. crudivorisme? Le crudivorisme, effectivement, tu sais, puis c'est le bureau d'à côté de mon médecin, mon endo, tu sais, puis elle dit, tu peux pas vivre de même, puis il te manque des hydrates de carbone, il te manque ci, il te manque du lait, il te manque, eh bien, il faut que tu prennes un peu de fromage. J'ai dit, ça, c'est toi qui as dit ça, là. Hey, là, je faisais un affront total, là. Mais c'est parce qu'elle est en train de me dire, eux autres, c'est collectif, là, un cas, une femme de tel âge doit manger tant de calories, moins de sodium, puis ils sont vraiment dans des formes. Mais à un moment donné, Intellectuel. Mais en même temps, tu sais, ça varie parce que le Guide alimentaire canadien, ils ont fait une version récemment. Ça veut dire qu'à quelque part, là. c'est pas une vérité universelle parce qu'ils l'en font une fois de temps en temps, le Guide alimentaire, tu sais. Non, mais le guide alimentaire, c'est un guide de lobbyistes, d'actifs, Oui, là, comme tu les sais, produits c'est laitiers, puis tu sais, en réalité, on réalise que, en tout cas, moi, ce qui me concerne, je bois pas de produits laitiers, puis ça m'empêche pas de fonctionner, tu sais. Mais absolument, là, mais le lobby, le lobbyisme, parce que les jeunes, quand t'as pas d'individualité, tu te laisses imposer des choses. Mais à un moment donné, vibratoirement, là, ça va te dire, ben, mange juste des pommes ou mange whatever, là, tu sais. Mais c'est vibratoire, cette affaire-là, là, puis ça répond. Il y a une raison pourquoi c'est là, là. Ça répond à une vibration que tu as, là. Quand tu vas mal, là, c'est le fun. Tu vas mal, t'as mal au cœur. OK, let's go, une grosse pizza. Poulet frit Kentucky, là, c'est le fun. Tu regardes là, OK, là, tu manges ça, mais après ça, là, excuse-moi, là, mais t'es tout écrasé, là, puis ça marche pas. Je sais pas. C'est un état vibratoire, mais émotionnellement, quand tu l'as mangé, là, ça compose, ça. Ça répond à, ça compense un état émotionnel extraordinaire, mais les conséquences sont là, Oui, exactement, Alex. là. Ce que tu dis, c'est que dans ma période où ce que j'ai fait mon mois de végétarisme, les seuls moments qui me venaient en tête de faire une rechute pour manger de la viande ou de la pizza ou des choses comme ça, c'est quand je me sentais pas bien émotivement. Ah, voilà, c'est Ça ça. venait jamais Bon, de mon corps. C'était vraiment au niveau émotif pour contrebalancer. Mettons, j'ai une journée plate, je me suis chicané avec quelqu'un ou tu sais, il y a un accrochage, ben là, j'avais plus le goût, mais. C'était seulement dans des moments comme ça, parce que sinon, jamais j'avais envie de manger de la viande. Non, mais ça se perd le goût. Tu sais, encore là, c'est mémoriel. Ah, moi, j'ai un goût. J'ai un goût de. Tu sais, j'ai un goût, mais c'est relié à quelque chose de mémoriel tout le temps, là. Ouais, tu fais référence à une mémoire. Là, j'ai eu du plaisir là-dedans, là. Dans ce champ-là, là, dans ce bout-là, là, c'était le fun. OK, là, on va répéter le plaisir. Ouais, à chaque fois que tu manges, là, c'est un repeat business, là, tu sais, puis c'est le fun quand c'est gras, puis c'est salé, puis tout ça. Mais là, la nouvelle mode, c'est le keto, là, manger keto, gras, salé, puis ce que tu veux. Là. Mais encore là, c'est une mode, mais il faut que ça réponde vibratoirement à nous autres. Donc, il faut avoir de l'identité dans tout ça. Il faut se savoir là, tout ça, là. C'est pas parce que la mode impose, tu sais, moi, en tant que diabétique, on m'a toujours dit quoi manger. J'ai suivi ça les premières années, me suis ramassée à l'hôpital, des gros maux de ventre. Jusqu'à quand je rencontre un naturopathe, ben, il dit, mélange pas la viande puis les pains. Ah, regarde, t'as été fini, là. Ben, ça a commencé comme ça, là, la conscience de la nourriture, là, tu sais, c'est bien important, ce qui rentre, puis ce qui sort, évidemment, aussi, Oui, là-dedans. exactement. Mais, Mais je voulais t'amener à parler du pranisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça Oui. dit par rapport aux gens, là, parce qu'il y en a de plus en plus là, sur YouTube. Là, ils font des vidéos puis ils disent qu'ils Oui. vont s'alimenter de lumière. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de manger de nourriture physique, là, puis ils Oui. se nourraient carrément là, de l'éther, là, si on peut dire. Oui, c'est ça. Mais écoute, ce mouvement, j'ai écouté, je l'ai écouté 30 secondes, là. Mais c'est très, très. Il y a C'est du haut spirituel, tout ça, là, t'sais. Puis il rentre dans une forme, puis ça fonctionne sûrement, t'sais. Je peux pas te dire, mais c'est eux autres, qu'est-ce qu'ils disent, qu'ils n'ont pas mangé pendant 13 ans. T'as-tu été là pendant 13 ans, t'sais? On ne sait pas, ben, t'sais, puis ça se nourrit spirituellement, t'sais. C'est très, très, très, c'est un gros mouvement spirituel, là, t'sais. Tu peux pas te dire, t'arrêtes de manger. Oui, les jeûnes, c'est excellent, là, en passant, les jeûnes, prolongés, quotidiens, c'est excellent, parce que ça remet le cœur, ça sollicite pas le cœur. Comme nous autres, on est trop sollicité extérieurement, mais à trop manger, tu sollicites le cœur intérieurement, physiquement, là, tu sais. Ben oui, ça Mais donne le un moment de pranisme, repos, ouais. ça donne un moment de repos, puis, tu sais, les animaux, quand ils sont blessés, ils ne mangent pas. Quand on est malade, on ne mange pas non plus. Là. Il y a une raison, là, c'est que le cœur s'auto-guérit. Mais ces gens-là, c'est dans la forme, c'est spirituel, là. Là, ils s'en font un orgueil de, puis là, vous devriez faire comme moi, de, tu sais, ben, ça va être sous le faire, fêlé, là. Il y a quelque chose là-dedans que c'est très, c'est du haut spirituel, puis il y a une grosse forme là-dedans, tu sais. Puis qu'ils le fassent, je suis bien content, je suis bien contente. Non, non, ben c'est sûr que Tu c'est de leurs affaires, mais je veux dire, c'est un phénomène social auquel on est de plus en plus confronté. Là, je veux dire, il y a plein de vidéos sur Internet, puis il y a même un film là, qui s'appelle Lumière qui avait sorti en 2010, où plein de personnes dans le cadre du documentaire ont été interviewés, puis il y a beaucoup de personnes qui prétendent présentement vivre, fonctionner, là, sans manger, puis sans boire, puis depuis plusieurs années, puis des scientifiques qui ont fait de la recherche, notamment par rapport à un gars en Inde qui ont, en fait, ce qu'ils ont fait avec lui, c'est qu'ils l'ont mis dans une salle, dans un hôpital hyper moderne, ils l'ont filmé 24 heures sur 24, je me trompe pas, c'est à peu près pendant 2 semaines, puis selon les dires là, de tout le personnel soignant qui l'ont observé, ils ont fait différents tests avec lui, ben il serait capable de vivre sans manger, là. Ben, c'est que ça bouscule la mémoire de la médecine, tout ça, là, t'sais. La médecine a été écrite sur une base mémorielle de qu'est-ce qui est fait. Fait que, t'sais, c'est toujours, il y a des recettes dans la médecine, si tu as ça, on doit faire ça. C'est de même que ça marche, qu'on peut changer. Quand tu arrives avec des gens, prana, comme tu Pranique, dis, ouais. ça bouscule tout le bagage mémoriel de cette séance-là, là. Fait que ça bouscule beaucoup de choses. Mais dans la forme, il y a quelque chose. J'ai vu le reportage sur le monsieur, comme je l'ai dit, 30 secondes, mais il y a une vibe là-dedans que j'ai de la misère personnellement à contenir. C'est dans la forme. Qui mange pas, c'est extraordinaire, c'est nouveau, tu sais, ça choque quelque chose dans nous autres, là, tu sais, les acquis, la mémoire, mais qu'il soit capable de. Lui, il est dans l'état vibratoire de fonctionner comme ça, c'est parfait. Mais c'est parce que là, avec l'effet Facebook et tout ça, là, ils mettent ça sur un piédestal, tu sais. Ouais, c'est là, il y a des gens, là. Puis, tu sais, je pense juste aux filles, là, les anorexiques, puis tout ça. Ah, ben là, mon gars, je suis correct. Mais c'est complètement déformé, là, tu sais, mais eux autres, vibratoirement, individuellement, si ça fonctionne avec eux, c'est excellent, là. Comprends-tu, là? Mais c'est Non, vraiment exact. au niveau individuel, là. Mais il y a tout un entourage de très haut niveau spirituel qui est relié là. Il va y avoir des gens qui vont sortir au bout de ça, là, tu sais. Je vais rentrer là-dedans, on mange plus. T'sais, on va manger de la lumière, t'sais. C'est dans la forme, c'est dans l'image de tout ça, là. T'sais, ils mangent de la lumière. Ouais. Et ça, c'est juste dans la forme, il n'y a pas de jugement là-dedans, là. C'est vibratoirement, là, c'est comme, il y a un grand orgueil là-dedans, là, t'sais. Mais ils font pareil. Mais c'est récupéré par l'ego dans tout ça, là, t'sais. Non, non, je T'sais, comprends que ça peut favoriser une forme d'orgueil spirituel. Par rapport Ouais. à des gens qui vont être fascinés par ça, puis ils vont faire du pouvoir à partir de ça en disant, ah, toi, t'es obligé de manger, pas moi, puis. Ouais. C'est ça. Regarde-moi, toi tu manges exactement la comparaison, puis encore là, le côté animal, la hiérarchie qui va s'installer dans tout ça, là, tu sais. Les gens, mais là, ils savent plus où aller, mais Ouais, il y a des gens qui vont se croire plus évolués parce qu'ils mangent pas que l'autre qui mange, mais peut-être qu'en réalité, un gars comme Bernard de Montréal qui mangeait du steak est plus conscient objectivement qu'un autre qui est spiritualisé Ben puis imbu de lui-même en disant qu'il mange pas. oui. Ben, c'est ça, c'est en plein ça. Mais encore là, c'est individuel, ces choses-là. Là. Si le gars, là, il est dans la vibe de ne pas manger, il ne mange pas, mais il suit sa vibration, là. Exact. Comprends-tu? Puis nous, ben, ça nous fait questionner, ça bouscule des choses, tu sais. Puis à un moment donné, ben, OK, on peut l'essayer 1 semaine, 2 semaines. Mais, tu sais, encore là, faut être dans l'état vibratoire de le faire et non pas dans le désir de OK, moi je vais être comme lui, je vais le faire. Tu imposes l'extérieur dans toi, OK, je vais le faire. T'sais, mais si ça vient pas de toi, de l'instant, il va se passer des choses dedans. C'est comme le crudivore, là. Il n'y a personne qui allait changer l'état dans laquelle j'étais. Même la médecine, la diététiste, là, elle dit, Oui. c'est épouvantable, Nathalie, tu peux pas vivre de même. Ben, ça fait 2 ans que je suis de même. Fait que là, j'arrive chez mon médecin, je dis, regarde, Danielle, elle a l'air à capoter. Il dit, oublie-la, elle a le nez dans ses livres. J'ai un bon médecin. Ouais. Dis-moi, je regarde tes résultats, là, il n'y a aucune perte musculaire, il n'y a rien. Puis, j'ai pas de cholestérol, il n'y a rien, j'ai récupéré les reins. Tu sais, à quelque part, lui, il y a tout ça là, dans mon dossier, là, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Mais j'étais hors norme totale, comme le gars du prana. J'étais dans l'état vibratoire 2, puis en bout de ligne, j'ai récupéré les reins. Ouais. Ben Mais ça se passait excellent. au jour. C'est un état, hein. Quand t'as un état, là, il n'y a pas grand-chose qui. J'étais dans cette vibration-là et rien qui délogeait ça. Même pas en médecine. C'est bien quelque chose d'imposant, les médecins, là. Puis, il faut dire que encore là, j'ai un bon médecin, mais je l'appelle Dr House. Il est bordélique, brillant au bout. Hein. Mais puis je sais que mon corps, il en parlait dans ses conférences. Hein. Okay. Mais c'est Ça sûr a que questionné. c'est intéressant l'approche de ton médecin dans le sens que lui, il fonctionne à partir du réel, du résultat. Fait que lui, il se borde pas par le moyen ou la technique. Non, C'est ça. Fait effectivement. que c'est un petit peu comme j'avais écouté à un moment donné un documentaire sur la médecine orientale. Puis ce qui était question, c'est que la médecine orientale, que ce soit le Qigong ou d'autres approches avec le taoïsme, ben, eux autres, l'important, c'est le résultat. De comprendre intellectuellement le moyen, comme les Occidentaux, puis voir si c'est de l'effet placebo ou non. Eux autres, de ce que je comprenais, c'est qu'ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est que le patient est mieux, peu importe la méthode ou si c'est du placebo ou non. Absolument. Les gens qui vont le faire, ils sont dans un état vibratoire pauvre. Ils passent par ce chemin-là. Ouais. C'est comme je te dis, une vibration, quand ça passe, t'as pas, c'est, t'as une envie de l'être, là. Il n'y a plus rien qui se passe dans la tête, sauf d'aller là. C'est, ça se fait. Bang, c'est, ça s'implante. C'est un état, là. Puis là, faut qu'il y aille, là. T'sais, faut, tu dois faire. Il y a une action qui, puis tu te demandes, là, pourquoi. Puis même pas. Je fais juste penser, quand ça a commencé, Crudivore, là, c'était, il n'y a plus rien qui se passe d'autre que se faire ça. T'es même plus en question, tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses. That's it. Puis pour ce qui C'est est du pas questionnable. crudivorisme, ouais, c'est ça, c'est que tu es mis en vibration par rapport à ça. Oui. Mais présentement, est-ce que tu manges toujours crudivore? Comme je t'expliquais, moi, je vais déjeuner, dîner. Encore là, quand je déjeune, dîner cru, puis le soir, c'est cuit. Ou des fois, ça dépend encore là dans quel état. À un moment donné, ça l'a cassé. Il y a quelque chose qui a cassé, comme la vibe, c'était plus là. J'ai toujours continué. Je n'étais pas aussi intense là, dans les smoothies. Puis il y a plein d'affaires qui me popaient dans la tête pour être très, très, très créatif. À un moment donné, c'est plus là. C'est plus là. Ah, OK. Ben là, OK. Là, j'ai commencé à manger cuit. En guillemets, je redevenais normale sociale parce qu'il y a bien du monde qui ne voulait pas m'inviter. Qu'est-ce qu'elle va manger, Nathalie? Fait que j'emmenais mes choses. C'était drastique, là, cette vibe-là, là, c'est incroyable. Mais je peux te parler aujourd'hui, là, puis probablement, là, qu'est-ce qui serait passé si j'aurais fait ça, on ne sait pas, mais c'est ça qui s'est passé. Puis aujourd'hui, le cru m'inspire encore, mais je vais manger cuit. Je vais manger du riz, je vais manger végétarien cuit, là. Puis une fois de temps en temps, je vais manger un petit peu de viande. Encore là, ça dépend de l'état vibratoire, là. Tu sais, je peux pas te dire, OK, je vais faire ma commande pour la semaine, puis c'est ça, je pourrais oublier ça, là. Tu sais, c'est dans l'état où je suis maintenant, c'est ça. That's it. C'est bien étrange. Il n'y a pas de forme dans une vibration du tout. Hein. Non, je comprends Aucune. ce que tu veux dire. Ouais. C'est sûr que, dans le fond, tantôt, en fait, on clavardait sur Facebook et puis ça m'est Ouais. venu en tête proposer de faire un enregistrement. Le timing est là. C'est Ouais. comme apparu, puis Ben ça, je ne savais pas ça un matin, là. Moi, non. j'étais devant mon ordi, puis en plus, je viens de faire une entrevue avec Olivier, là, qui a duré quand même presque 2 heures. Oui. Puis là, dans le fond, je vois sur Facebook, là, je vois que tu étais présente, tu écrivais des messages. Puis là, ça me dit c'est le timing est là. Fait que là, j'ai comme donné suite. Puis finalement, ça s'est enclenché. Puis on fait l'entrevue présentement. Mais c'était pas un Ben mouvement qui était calculé de mon ego là, à la base. oui. C'est ça Non, que je non. Ben voulais non. dire, là. Quand tu m'as écrit pour me demander, veux-tu faire l'entrevue? Oui. Ben là, j'avais de quoi, là. J'avais un blanchiment dentaire dans les dents. OK, non, on fait l'entrevue, ça suite. Donc, ça s'est placé comme ça, vraiment. Quelqu'un m'aurait dit, dans l'après-midi, tu vas faire une entrevue, là. Ah, OK. Non, ça se place de même. Puis, c'est qu'on ramasse pas ça par réflexion, là. Garde, on s'assied à tout. Tu sais, ou ben non, là, OK, là, je suis correct, il y a quelque chose, moi, j'avais quelque chose à cette heure. Non, c'est l'entrevue. Oui, on l'a fait. On passe dans l'action. Il n'y a pas de réflexion, puis ça se fait d'attitude, là. Tu sais, on arrête de questionner. Ah, ben là, c'était pas prévu, c'est pas ça qui était dans l'horaire, dans l'agenda, là. C'est une vibration bouscule tellement de choses. Exact, ça nous Ça, amène ça. à sortir de la forme, des cadres, à sortir de la boîte, comme on dit, là. Ouais. C'est think outside the box. Même si c'est pas Non, c'est ce ça exactement. Mais c'est exactement, en passant, avant que tu le dises, là, c'était l'expression que j'avais en tête en anglais, mais je me suis empêché de la dire parce qu'en réalité, c'est pas vrai, c'est think outside the box, parce que c'est pas toi qui penses, c'est ça plus de dire capter la pensée au-delà de la boîte. Ouais. C'est ça. Au-delà de la machine, tu sais, le Ouais. cerveau, là, c'est une radio, là, tu sais. Puis elle s'adapte à l'état qu'on est, c'est le 98 ans, ça dépend dans quel état qu'on est, ça attire les événements, l'état vibratoire attire l'événement, attire les entités, c'est tout relié, là, tout ça, là. T'sais, puis ça va avec la programmation, là. Les entités, eux autres, sont programmées de nous suivre, là, t'sais. Fait que, même que, t'sais, l'humain, dans son intelligence, puis dans son état vibratoire, va enseigner aux entités. C'est ça la nouvelle révolution. Tu sais, c'est pas toi qui penses. Puis, on essaie de mémoriser ça, de rentrer ça dans le fond. Mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas toi qui penses. Puis, c'est pas quelque chose qu'il faut dire, bon, mercredi de 13h30, moi, c'est pas moi qui pense. T'sais. Ah, ça marche pas de même, mon Dieu. T'sais. C'est tellement. Mais, regarde, comment je dirais, là, il y a tellement d'événements qui se passent, puis qui vont se passer, qui vont nous ramener à nous dans une identité. Et c'est là que tout se passe, dans le présent, quand plus rien se passe, là, dans la tête. T'as la tête vide, là. Fine. Oui, OK, ben c'est c'est là là qu'il n'y a qu'on plus part. d'interférence astrale pour le mouvement C'est ça. naturel de l'esprit, là. Absolument. Mais c'est ça, le terrain, il y a un trou dans les nuages. Il y a un trou, là, c'est là que ça passe. Oui, Il exactement. y a les Le rayon nuages. du soleil passe à travers les nuages, la couche astrale pour rejoindre Ah, l'ego, ouais. absolument. Oui. C'est l'image, là, qui est là, mais c'est. Puis, ça va venir, ça vient. Ça parle un petit peu, ça se retire, ça revient, ça vient plus longtemps. Puis il y a une conversation qui commence à se faire. C'est plus juste des petites réponses, là. Puis là, c'est vraiment une conversation qui se passe entre toi et toi. Oui. Toi et toi, là. Encore là, c'est récupéré astralement par beaucoup de. Les autres, ils regardent ça, regardent, tu sais, l'esthétique-là, on la perd, eux autres. Les autres, ils la perdent, là, quand on est en conversation avec nous, là-dedans. Puis, en tout cas, Oui, il non, y a mais je tellement comprends de choses. ce que tu veux dire. C'est sûr que quelqu'un qui provient d'un milieu religieux catholique, il va dire, ah, je parle avec mon archange, tu sais. Il va Ben mettre une forme oui, ben oui. spirituelle par rapport au contact, au lieu de dire tout simplement qu'une conversation télépathique avec l'esprit, là, le contact. Ouais. Avec l'esprit, oui. Mais, tu sais, ça peut. Les gens qui parlent. C'est toujours dans l'état vibratoire, là, tu sais, les niveaux spirituels ont un état vibratoire X, tu sais. Le doom, c'est une autre vibration, c'est autre chose. Mais pour eux autres, ils parlent à leur ange, à l'archange, ça les aide, là. C'est pas juste du négatif, là, tout ça, là, les entités. Puis, à un moment donné, il y a des décisions qui se prennent, il y a des événements qui puis là, tu dis, OK, non, là, ça marche plus, là. J'ai cru à ça pendant une autre, là. Puis là, ça marche plus, là. Il y a un manque. Il y a un manque. Il y a un vide qui se crée. Puis là, tu te dis, coudonc, tu penses quoi? Il n'est plus là, lui-là. C'est des mensonges, des menteries. Puis là, il y a tout un process là, qui se passe. C'est tout tellement individuel encore. Avant, on était instruit par la masse. La masse était instruite. Et maintenant, ça va vers l'individu. Après ça, il va y avoir plusieurs individus ensemble, mais ils vont toujours demeurer individuels. Non, Ce ne exactement, sera plus une mais masse. non, c'est ça. Mais il va, c'est ça, se former avec des regroupements d'individus éventuellement, là, une micro-société, là, de gens Micro, conscients. c'est ça. Exactement. Mais ça va se passer, mais jamais comme on pense. Jamais comme on pense. Jamais, jamais, jamais. Non, c'est sûr que c'est pas Fait en que, fonction de comment qu'on peut le réfléchir, parce que c'est au-delà de l'intellect. ben voilà, c'est en dehors de la pensée, tout ça. Là, je me souviens, j'étais jeune, là, j'ai dit, il doit y avoir quelque chose qui se passe en dehors de la pensée. J'avais 12 ans, 13 ans, je pense à ça. Là, puis ça sortait tout seul, ces choses-là, puis ça demeure encore ça aujourd'hui. En dehors de la pensée, tout est là. Bon, on a une bulle, on l'entoure nous autres, puis c'est de la pensée, tu sais. Fait que, à un moment donné, tu prends conscience, puis ça te fait sortir de cette bulle-là, puis ça te fait voir tranquillement, tranquillement, des choses, tu sais. Tu sais, l'excitation de l'ego qui veut pogner en même temps, puis quand ça vient de l'ego, ça crée du pouvoir dans tout ça. Ah, moi, là, je sais des affaires que le monde fait, là. Ah, ben, là, ça va bien. Oui, parce que c'est sûr qu'il y a un danger de faire de l'orgueil. La minute que la personne reçoit des informations que les autres n'ont pas accès parce qu'elle canalise, Voilà. il y a un danger Oui. d'astralisation dans le processus, puis de développer un sentiment de toute-puissance, là. Ah, c'est programmé. C'est voulu que ça aille là. Puis vas-y, mon pote, là, vas-y là, dans ton pouvoir, mais à un moment donné, il va frapper un mur, là. Ou peut-être qu'il n'en frappera pas. Regarde, c'est pas grave, ça ne nous regarde pas, ça. Ça nous regarde tellement pas. Ça appartient à l'autre. Moi, la personne Mais. concernée, ça fait partie de son expérience. Absolument, là. Pourquoi qu'on irait se mettre le nez là-dedans, là, tu sais? Ben, vas-y, puis vas-y vite, tu sais, en courant. Ouvre la porte, il y a un poteau, rentre dedans, vas-y, garde, je t'encourage, tu sais, parce que nous autres même, on contient pas ça, cette affaire-là, fait qu'on essaie toujours de le mettre à notre niveau, là. Tu sais, les gens qui chialent, puis qui critiquent, puis parce qu'ils sont pas capables de contenir ce qu'ils voient, tu sais. Fait qu'ils mettent ça à leur niveau, à leur contenance. Mais, tu sais, à quelque part, là, c'est. Tu sais, les événements qui sont difficiles dans la vie, là, ça fait agrandir le pot, le contenant. Ça fait mal. Tu sais, quand tu t'entraînes, là, puis tu développes le muscle, là, ça fait mal Ben physiquement. oui. Mais développer la contenance, ça fait mal. Ça va être les événements. Puis là, tu contiens ça, oups, t'as une minute. Ah, OK, tu contiens plus les événements de ce niveau-là, vibratoire. Puis, ça se fait, là. Tu sais, ben, on l'a eu d'un coup. Nous autres, on va l'avoir pendant toute la vie, puis peut-être l'autre vie, on ne sait pas, là. T'sais. Mais. Non, mais c'est sûr que ça, c'est un autre aspect intéressant à aborder en lien avec vivre la conscience au quotidien. C'est quand on est Ouais. confronté à un événement difficile, comme par exemple quelqu'un qui perd son auto parce qu'il est perte totale suite à un accident, ben, ça amène à développer la capacité de justement de faire preuve de conscience, peut-être détaché de la forme, là. Ben, écoute, tu sais, l'auto, c'est la communication, c'est comment tu t'échanges avec les gens, tu te promènes, il y a de l'indépendance, tu pars ta voiture, qu'est-ce que tu as à comprendre, puis le moment que tu as eu l'accident, il se passait quoi, dans quel état que tu étais, tu sais, il faut tout regarder ces choses-là, là, tu sais, T'sais, puis autrement, ben regarde, c'est là, mes assurances vont augmenter, puis je vais me pogner un autre char, t'sais. Ça dépend de comment tu vas passer l'événement, là, t'sais. Non, ben, je parlais de Puis cet Daniel. exemple-là parce que je l'ai vécu récemment, là, c'est-à-dire au mois de décembre, j'ai eu OK. un accident d'automobile. L'auto a été une perte totale, mais je n'ai pas été blessé, là. Mais Ouais. ce que je peux dire, c'est que j'ai fait l'étude de l'événement, puis j'étais dans un mode. Au moment qui est survenu l'incident, j'ai glissé sur la glace avec la voiture, puis ça a heurté le OK. garde-fou sur le côté. Mais j'étais dans un Ouais. mode réflectif, j'étais pas en contact avec l'esprit, tu sais. J'étais Non, c'est astralisé, ça. techniquement, ouais. Ouais. Puis, ben, c'est ce que je disais, là, tu sais, il y a deux façons de le prendre, là, tu sais. Pourquoi, dans quel état j'étais, quand ça l'a frappé, tu sais. Puis, c'est là où faut que tu regardes, c'est en discutant que tu vas avoir tes réponses. C'est d'emmener l'autre à avoir ses réponses, là. Moi, je pourrais te dire que ça veut dire ça. Là, tu vas me croire. Mais toi, c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que tu as à apprendre de cet événement-là. Oh oui, Comprends-tu? ben je Ça posais veut dire intérieurement quoi? la question à l'esprit, là. Mais dans le fond, dans mon cas, par rapport à mon expérience, c'est que ça m'a sorti d'une. Je suis dans une loupe de réflexion, là, ça tournait en boucle dans ma Ouais. tête. Puis ça m'a coupé de tout ça, ça a été un choc, puis ça m'a ramené dans le concret. Puis C'est quand ça. c'est arrivé, ça m'a mis en colère, ça m'a sorti d'une forme d'inertie. Tu sais, j'étais Ah, plus regarde, c'est gazeux ou ça. mou là avant, là, ouais. Ah. Ben, c'est ça. Ça prend toujours des événements ou un choc pour changer le taux vibratoire. Ça vient pas tranquillement, cette affaire-là, là. Ça vient pas tranquillement. Il y a Non, toujours non, un c'est ça. choc. Ça Il y a vient quelque sans chose. préavis. Tu sais, je m'attendais pas de vivre ce jour-là, un accident d'automobile, parce que je glisse sur la glace, là. Tu sais, il n'y a rien qui laissait présager ça. Fait que non, c'est ça, c'est qu'il y a un effet de surprise, puis là, c'est là que ça crée un changement psychique, là. Mais ça crée, c'est un choc, là. Fait que ça veut dire que si ça revient, là, t'sais, des messages là-dedans, là, ça a pris un accident pour te sortir de là. Fait que c'est toi être conscient là, de ce loop-là, là, parce qu'il peut revenir, ce loop-là, là. C'est Oui. pas dans quelle forme. Ça change de forme. T'sais, Daniel dit souvent, la vie, elle va frapper pas où t'es fort, où t'es faible, tout le temps. Non, T'sais, exactement, puis mais c'est parce que j'avais passé la fin de semaine à réfléchir que, dans le fond, parce que moi, je suis rendu, là, j'ai 38, j'avais 37, que j'étais comme pas normal, tu sais, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille, j'ai pas de ah, ben maison, non. puis je me comparais par Ouais. rapport à la société, puis je me dis, ma vie, Ouais. c'est de la merde, tu sais, j'étais dans un mouvement, là, de dépréciation, là, tu sais, vraiment intense. OK. Ouais. Puis là, quand j'ai OK. vécu l'accident, ça a comme coupé cette dépréciation-là, puis j'ai monté en colère, j'ai dit tabarnak. Tu sais, ça a tout tassé comme le mouvement de dépréciation puis de réflexion de l'ego, là, tu Ouais. sais. Ouais. Ouais. Mais ça, tu sais, c'est à la mesure de ta réflexion, là. T'sais, là, ça a Exact. pris ce choc-là, là. Ça aurait pu passer, débouler les marches, glisser comme ben du monde, là, mais ça a pris, puis ça, c'est au niveau de la communication, c'est comment tu échanges. Donc, tu sais, il y a quelque chose à creuser, à regarder là-dedans, là. C'est bien intéressant, là. Mais tu sais, as-tu vu, tu as récupéré ça, puis tu l'as vu. C'est extraordinaire, là. Fait que tu as eu une lecture d'événements, tu as eu cette lecture-là d'événements. Donc, aller plus loin, ça change l'état, puis ça a cassé, là, toc. C'est comme, c'est drôle l'image que ça me donne, ça, t'sais, comme les animaux qui muent, ils changent de peau, là tu as changé de peau, là. Ben, j'ai Tu changé de as véhicule, il a changé fallu que d'état. je me procure un autre automobile pour poursuivre dans la Oui, comparaison, là, tu sais. c'est Fait ça. Ben, que. fait que là, tu es sur un autre mouvement vibratoire, là. Ça fait ça, là. T'sais, après, là. Fait que il y a d'autres choses ton état vibratoire a changé à ce moment-là. Tu as eu la brillance de, tu n'étais pas victime, tu as eu une colère. Non, exact. Donc. C'était le mouvement spontané. Tu sais, j'ai rien Ouais. réfléchi. Puis là, quand que. Je voyais que l'auto glissait sur la glace, ça fait comme tabarnak, ressaisis-toi, tu sais. C'est comme. Ouais, C'est ça. ça a Donc, passé bien cette sûr. vibration-là, puis là, je suis comme dans un mouvement que, bon, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, j'ai pas de maison, puis je m'assume, puis j'ai pas à me sentir coupable ou anormal pour ça, tu sais. Ben, c'est ça. Mais juste en étant vibratoire, quand on ramasse dans la vibration, on sent, on n'est pas comme. Tu sais, quand on rentre dans l'ancienne mode de réflexion, coudonc, je crois comme tout le monde, là. Puis là, je devrais. Là, il faudrait que je fasse ça comme tout le monde. Je devrais faire ça comme tout le monde. Regarde, t'es pas faite de même. Anyway, là. On va être différent de la masse. T'sais. Exactement, mais c'est déstabilisant dans le sens que ben, ma mère m'a jamais mis de pression pour que j'aie une femme ou des enfants, mais tu sais, quand on regarde les gens, mettons, de mon âge, bon, j'ai 37, il y en a beaucoup qui ont des enfants, puis tu sais, c'est comme si, dans le fond, j'y vais comme une. Ouais, dans les mots précédents, j'y vais comme une pression en disant, ben là, si j'ai pas d'enfants, je suis pas comme tout le monde, puis tu sais, c'est comme si j'avais un problème, là, tu sais. Ben, c'est ça. C'est dans le mode réflexif, ça devenait un problème. Mais ça fait partie d'une programmation aussi, là. Ben, peut-être que tu n'auras pas d'enfant, peut-être que tu vas en avoir, puis regarde, ça va se placer. Il y a quelque chose qui va se placer, là, qui doit se placer. Ben, oui. Ben, puis même tu rentres dans ce mode de réflexion-là, c'est que waouh, ça va pas bien, c'est écoute. Ça brise, c'est là tu deviens dans le collectif, puis là, il faut que je rentre dans le collectif, la façon que tu es faite, tu ne seras jamais dans le collectif. Puis moi non plus, là. Bon, moi, ça passe par d'autres choses, mais c'est vraiment individuel. Là, tu es rendu là dans ta vie, là. Ben, tu peux peut-être rencontrer une femme dans un autre accident, puis là, vous allez vous marier. Regarde, on peut inventer un paquet de scénarios, là. Ben, Exactement, là. Quoique, dans le fond, la forme du mariage traditionnel, c'est sûr, plus que j'avance dans mon cheminement personnel, moins ça m'intéresse, là, l'histoire que toi, t'es à moi, puis moi, je suis à toi, puis. Tu sais, le concept traditionnel du mariage, chacun ses pis, puis se contrôle, puis c'est ma femme à moi, puis tu sais, l'ego crasse qui est là-dedans, puis la jalousie, puis la possessivité, là, plus que j'avance au fil du temps, puis plus que je vois ça comme étant toxique ou néfaste à l'évolution personnelle. Ben, ça fait partie de l'évolution aussi, là. Tu sais, ces choses-là, tout ça fait partie de l'évolution, là. Ça a rentré dans le groupe toxique, puis tout ça, parce qu'il y a quelque chose que tu regardes là-dedans, là. C'est bien intéressant, là, tu sais. Ah, oh, wow, on s'aime, puis achètes-tu quelqu'un, là, puis là, ça part, là. Tu sais, le gros monstre de réflexion rentre là-dedans, là. Qu'est-ce que tu as à comprendre dans ça? La vie va te mettre dans des événements pour que tu comprennes des choses, pour ajuster un état vibratoire tout le temps. Puis là, on essaie de comprendre, puis là, tu te comprends, là, tu te sens pressé, là, faut que je me presse, là, j'ai 38 ans, là, j'ai rien. Merde, donc. Ça fait Ouais. quoi? Ça fait-tu quelque chose? Non, c'est ça, mais dans la réflexion de l'ego, j'avais comme concept que, tu sais, bon. Les gens, entre autres les femmes, par rapport à la fertilité, c'est que s'ils n'ont pas des enfants à peu près au début de la quarantaine, ben là, ça devient plus compliqué, il y a plus de risques. Fait que là, c'est comme j'ai des enfants, c'est comme maintenant ou jamais, là, tu sais, c'est pas à 70 ans non plus. Fait que j'avais vécu ça un peu avec mon ancienne compagne aussi, vers la fin, puis tu sais, mais c'était un mouvement de l'ego, c'était pas une mise en vibration, de Oui, l'esprit d'avoir non, des c'est un enfants, mouvement, fait oui. que. Je me suis fait astraliser là-dedans. Tu sais, je peux être transparent avec toi puis te le dire, là. Ben Puis, tu oui, sais, j'en parle parce ben que je sais qu'il y a plein de monde qui vivent la même chose. Fait que, tu oui. sais, Absolument. je sais très bien que par rapport aux conditionnements sociaux, que les gens m'écoutent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent en France, en Europe, ou au Québec, mais la plupart des gens vivent la même réalité sociale où il y a une pression rendue à un certain âge. Tu sais, quand tu as 20 ans, tu te dis, ah, il me reste encore du temps, 30 ans un peu moins, là, 40. C'est ça. T'approches 40, là, tu dis, soit j'ai des Mais enfants ça, ou c'est j'en des ai pas. femmes. Ouais, c'est Ouais. ça. Ben, un gars, un homme peut avoir des enfants tout le temps, tu sais, puis mais encore, c'est une autre discussion, là. Mais tu Exact. sais, si on se ramène juste à toi, à un moment donné, c'est comme ça t'est rentré dedans, là, tu sais, puis t'es rentré dans cette boule-là. Puis le fait de voir, ça a pris l'accident pour que tu vois dans quel état tu étais. Fait que c'était fort ta réflexion, là. Fait que ça a pris un événement à la mesure de la réflexion que tu avais, c'est ça, l'accident. Ouais, puis après ça, mais ça change son état, ça change son état vibratoire. Tu t'es mis à observer que tu avais cette réflexion-là. Ouais, puis après ça, c'est qu'est-ce que tu as fait avec ça? certain. Ça a-tu changé? T'as-tu besoin de. Y a-t-il la pression sociale? Ça, c'est l'extérieur qui rentre dans nous autres. Puis là, ben là, ça, il faut faire ça de même, là, parce que le social, c'est la crise de merde. Non, c'est ça, mais C'est non, ça mais de même. j'ai décroché, là, c'est sûr, là, présentement. Ben, en fait, bon, j'ai eu ma compagne, je me suis séparé avec elle au mois de mai. Par la suite, il y a eu comme une période d'adaptation. Tu sais, j'ai refait ben, j'ai pas refait le logement, là, mais j'ai remis de l'ordre dans le logement selon ma vibration, réajusté les pièces, etc. Après ça, je voulais me retrouver une compagne. Puis là, le mouvement d'être en recherche pour trouver quelqu'un dans ma vie a comme cassé. Puis je suis plus présentement à vivre ma vie au jour le jour, là, tu sais, sans être à une recherche. Puis tu sais, dire, ah ben là, il faut que je me trouve quelqu'un parce que là, je rapproche de 40 ans. Puis j'ai pas d'enfant, j'en aurai jamais. Puis tu sais, je peux me raconter un paquet d'histoires puis de scénarios internes. Puis tu sais, j'ai Pas vécu. tout C'est ça, exactement, une exactement, mais ça nous manipule la pensée, tu sais, parce Oui, que moi, absolument. c'est ça, j'ai passé par beaucoup de réflexions, je brûle de la réflexion, dans le sens que j'ai vécu un couple traditionnel, monogame avec ma compagne, après ça, je me suis dit, ben ça serait peut-être plus la formule du couple ouvert, on entend parler de plus en plus de ça sur Internet, Oui, puis là, finalement, là, c'est vrai. j'avais une curiosité par rapport à ça, j'écoutais des vidéos sur Internet, puis là, je suis plus dans un mouvement que je vis le célibat, puis je m'assume. Mais j'ai passé par différents états dans mon rapport au couple. Oui. Donc, c'est ça, là. Mais tu as vécu le couple, là, tu vas vivre le bout, là, ça se ramène à toi. Alors, ça se ramène à toi. Ta vision va être différente. Puis le couple, c'est. Cherchant le couple, c'est ce que je reviens avec la théorie des clés, tu cherches, tu trouves pas. Tu veux contrôler comment ça va se passer. Tandis que quand tu es présent, les choses se passent. T'sais. Les choses vont se passer. Puis. Tu sais, quand on était insécure, là, moi aussi, je suis là présentement, je suis célibataire, puis je me dis, bon, m'as-tu rencontré, je vais ici, là, regarde, c'est la merde qui se passe dans la tête, là, tu sais. Fait qu'il y a une raison, le pourquoi de la situation où on est, puis il faut fonctionner avec ça, dans le titre, là. Mais tu sais, la pression, faut que je trouve quelqu'un, ce serait le fun. Vas-y, là, t'as le goût de baiser, tu t'en vas sur Tinder, c'est effrayant aujourd'hui. Je te dis effrayant, Non, mais mais tu as raison, parce que là, tu sais, je discutais avec des gens, là, tu sais, en tout cas, une fille que je connais, elle me racontait qu'elle s'était fait envoyer la photo d'un pénis d'un gars. Puis c'est comme de plus en plus fréquent. Puis tu sais, il y a comme un harcèlement sexuel ou quelque chose de très explicite en lien avec ça, là. ben il y a un gros mouvement présentement, c'est vers les mouvements. Il y a une libération, on dirait, sexuelle. Il n'y a plus de moralité de un. Avant, c'était la religion qui dictait la moralité des couples et tout. Mais là, il y en a plus. Puis là, ben, l'aspect sexuel à ce niveau-là, c'est carrément animal. T'as le goût, là, t'es en hormone, puis tout ça, go, bang, ça se passe, mais. C'est tellement à peu près du n'importe quoi, mais ces gens-là sont rendus là à faire ça. Puis les jeunes aujourd'hui, c'est. Puis il y a d'autres sites, puis il y a d'autres choses, mais ils sont rendus là, mais à un moment donné, c'est la perte d'identité, la perte, puis c'est tout l'assouvissement au niveau émotionnel dans tout ça, puis là, puis c'est physique, là, c'est hormonal, puis là, t'as une envie, là, regarde, passe là. Tout ça, là, tu peux l'avoir, là, à la carte, là, tu sais, tu veux une grande, petite, mince, tata, puis tu regardes, oui, effectivement, l'histoire des parties génitaux qui se promènent de même, regarde, moi, j'ai ça te tombe-tu, tu sais, je n'ai même pas à faire, là, c'est le pénis que tu vois, tu sais. C'est rendu là, puis quand tu parles au gars, c'est pas la tête que tu vas voir, c'est le pénis, tu parles au pénis, tu sais. Fait que, quelque part, Ouais, c'est ridicule. c'est ridicule parce que, en tout cas, dans la question morale, il y en a plus. Moi, tu sais, comme mon gars, maman, il y en a plus de morale. Ça n'existe plus, ça, là. Fait que les autres, ils sont dans un autre mouvement, mais qui, c'est C'est vraiment là, à peu près un capharnaüm total, là, puis tout le monde peut se mélanger, puis du gang-bang, puis tout ce que tu veux, là, qui était, nous autres, à l'époque, ben non, ça c'était pas de même, là. T'sais, on n'a pas le droit de faire ça, mais aujourd'hui, il y a une liberté partout. T'sais, mais il y a des conséquences à tout ça, là. Il y a des conséquences dans tout, là, t'sais. Puis, c'est, mon Dieu, la jeunesse d'aujourd'hui, là, est trempée dans une effervescence de tout. Ils sont pas Exactement. capables de saisir. Ils sont pas capables de saisir ce qui se passe. Mais tu sais, en même temps, c'est sûr que dans le passé, c'était comme trop, là, la religion, tu sais, c'était C'est castrateur, ça. puis les gens étaient trop étouffés. Fait que là, je pense que c'est comme le retour du balancier, où ce que les gens se garagent C'est dans ça. l'expérience, puis l'exploration sexuelle pour compenser le mouvement contraire là, de refoulement là, du passé, tu sais. Ben, c'est ça. C'est la polarité d'un passé qu'on a eu. Fait que ça, c'est le mouvement de la balloune. Les petites balloons, on presse d'un bord, ça gonfle l'autre. Après ça, tu presses l'autre bord, ça gonfle l'autre. Donc, c'est, tu sais, il y a toujours une conséquence à quelque chose. N'importe quel mouvement qu'on va faire, là, tu sais, l'effet papillon, là, il y a toujours un petit battement de papillon peut faire un tsunami à quelque part, là. C'est très réel, tout ça, là. Fait que, tu sais, il y a une accumulation d'énergie, le sexuel qui est de base, là, c'est très luciférien, tout ça. C'est vraiment la polarité qu'on vit. Comment je pourrais dire ça? Non, c'est la polarité vibratoire active qui se passe présentement. Puis si tu manques d'identité, t'es là-dedans, là, tu sais. Mais pour eux, Comment? autres, c'est correct d'être là. Non, mais c'est ça, mais chaque Dans chose a... ces affaires-là, là, c'est tu ça, sais. mais chaque chose en son temps. Mais tu sais, je veux dire, dans le sens que il y a une saturation expérientielle qui peut se faire, dans le sens que si quelqu'un se garoche dans la sexualité, il peut brûler rapidement l'expérience au lieu de la réfléchir puis être dans le refoulement, tu Voilà, sais. c'est ça. Mais les autres sont dans l'action d'eux. Mais c'est, il y a beaucoup de gens qui vont perdre. Il y a une grande dissolution d'identité dans tout ça, puis c'est juste les envies et répondre à des fonctions de base humaines. Tu sais, ça humaine, ce que je veux dire, émotionnel, hormonal, puis tout ça. Donc, mais ça va, ils perdent leur identité dans tout ça, là, pour assouvir Des pulsions sexuelles. des pulsions sexuelles alimentaires, tout ce que tu veux, là. Mais tu sais, en même temps, il faut que la personne écoute aussi son corps, dans le sens que si elle se refoule puis elle a des pulsions, il y a un manque d'équilibre aussi là-dedans. Ben, elle suit sa programmation, c'est ça. Oui. On a une programmation astrologique, c'est rendu là, là. Puis il y avait les autres, là. À un moment donné, tu t'en recules, t'es tanné, tu vas au bout, tu vas saturer. On sature des choses. Tu sais, le fameux écœuré d'être écœuré, parce qu'il y a une saturation de quelque chose là-dedans. Mais encore là, il faut être conscient de tout ça, là. À un moment donné, la conscience, là, t'es rendu au bout, là. OK. Il se passe quoi, là? T'sais? Une saturation, bien, quand t'es rendu là, il y a quelque chose qui se passe. Il y en a que la saturation, il faut qu'elle soit dans les extrêmes, qui est calculé extrême pour nous autres. Pour moi, ça peut être extrême, ces choses-là, mais pas pour eux autres. Fait que le sac, il est gros avant d'être rempli, là, à un moment donné, pouf, ça pète. Non, c'est ça, c'est Mais du cas par cas. Tu sais, il y a des gens qu'il faut qu'ils fassent des c'est ça. expériences sexuelles extrêmes, là, d'échangistes ou avec plusieurs partenaires pour atteindre un Là. état de saturation. Ben encore là, c'est pour on va dire extrême, mais pour eux autres, c'est du normal. Oui, c'est vrai, c'est un regard moralisateur que je viens d'avoir, oui. C'est comme ça, là. Mais pour eux autres, ils sont bien corrects. C'est eux autres qui n'est pas normal, hein, c'est juste une question d'exception où ils sont rendus. Pour eux autres, c'est ça. OK, ben vas-y. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je ne vais pas là. Mais ça ne veut pas dire que si je ne vais pas, c'est pas bon, là. Toi, t'es pas bon. T'es rendu là dans ta vie, vas-y. Bon bout de ça, là. Oui. Ben, c'est pas ce qui va se passer. Oui. Non, exactement, parce que, tu sais, moi, dans mon cas, j'ai un cousin qui est moine bouddhiste. Puis, Ah oui. oui, puis moi, Tu sais, je l'ai revu récemment parce qu'il a passé plusieurs années là, à pratiquer le bouddhisme. Puis, dans le fond, lui-même, il enseigne des choses. Puis, mais ce qu'il me racontait, parce que ça fait quand même au-dessus de 7 ans là, qu'il est moine bouddhiste activement. Là. Puis, tu sais, lui, il faut qu'il fasse jeu de chasteté. Puis, il me racontait que, dans le fond, il avait eu l'année passée, comment on appelle ça? Il était comme tambouré amoureux d'une nonne. Puis, il avait du désir sexuel pour elle. Fait que l'histoire de sublimer la sexualité à travers une pratique spirituelle, en tout cas dans son cas, même après 7 ans, ça fonctionnait pas. Tu sais, dans le sens que la conversion du désir sexuel, etc., puis le côté plus. C'est ça. Fait que lui, il était très transparent avec moi au lieu d'être hypocrite puis de dire ah oui, je suis au-dessus de ça. Mais non, il m'a raconté le concret de son expérience. Fait que moi, ça me faisait voir que la polarité inverse des jeunes, c'est pas mieux non plus, tu sais. Ben non, c'est ça. Mais il y a plein de polarités, là. Dans la forme, si ça, on sublime une forme, puis il faut rentrer dedans. Mais, tu sais, peut-être que la forme est ronde, puis toi, t'es carré, puis tu essaies de rentrer dans du rond, là. Tu sais, on sublime tellement de choses, puis on aime ça, rendre ça plus grand, plus beau, tout ce qu'on n'est pas, là, tu sais. Fait que Exact. c'est toujours une façon de voir comment tu vois les choses. Encore là, on lit selon l'état vibratoire. C'est trois quarts du temps, on s'en rend pas compte, là, tu sais. Non, Fait c'est ça. que, puis la vision que tu as, moi, elle peut être différente de la mienne. Puis c'est ça peut être intéressant. Ah, regardons ça, toi, tu viens de me tourner le 25 cents de bord, là, tu sais. Parce que quand on reste seul dans nos réflexions, on regarde toujours le même bord, là. Ouais. Ouais, puis Fait ça a que tendance c'est à d'où être l'importance. circulaire, c'est ça, ouais. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est bien intéressant. Ouais, ben c'est sûr qu'on peut compléter l'enregistrement là dans les prochaines minutes parce qu'une conversation comme ça, c'est sûr que c'est sans fin. Dans tout ça. On va partir de tous les bords. On va mettre le crédit. On va arriver avec des plats crus dans les clubs échangistes. On mêle tout. Ouais, du C'est crudivore. drôle. Mais écoute, c'est toujours intéressant de te parler, David. Puis c'est toujours intéressant aussi de savoir, comme toi, tu nous expliques des trucs personnels à toi. C'est le fun d'entendre ça, là, parce que tu sais, des fois, on a des gens qui nous interrogent, mais ils ont fait quoi dans la vie, tu sais? Moi, je te connais pas, là, tu sais, puis là, tu parles de choses, puis je trouve ça fait des petits points d'ancrage. OK, ben David a vécu ça, tu sais, puis ça rend plus personnel, plus coloré, je te dirais, là. Je trouve ça bien intéressant. Oui, ben ça fait plaisir, Nathalie. C'est sûr que c'est agréable pour moi de bénéficier de l'éclairage que tu pouvais me donner par rapport à certaines choses personnelles. C'est la raison pour laquelle j'ai amené ça entre autres. Puis ça, sur le concret, tu sais, moi, c'est sûr que mon approche par rapport aux enregistrements, c'est d'être capable de partir du principe que je suis pas parfait, puis que j'ai des choses à ajuster dans ma vie, puis de bénéficier de l'éclairage des gens. S'ils peuvent me permettre de faire un bout de chemin dans ce sens-là. Tu sais, pour aller Mais plus en écoute, compréhension, parce que oui. ben, tu sais, la recherche de la perfection, tu sais, ta perfection n'est pas pour d'autres, là. Comme Exact. Daniel disait, la perfection n'est jamais parfaite parce que la perfection est critiquable. Hein? Il y a toujours quelque chose qui veut qu'on fait pour pas qu'on. La perfection, seulement illusoire, là. T'sais. On veut être parfait là-dedans. C'est ta définition à toi. Ça l'est pas pour les autres. Non, Hein? exactement. Fait que Puis ça, c'est une c'est notre forme. sujet de conversation. C'est une forme. C'est ça, c'est une forme Absolument, aussi, là, c'est une forme. qu'on, dans le fond, quelqu'un qui veut se confirmer à quelque chose dans le désir subjectif d'être parfait, ben c'est parce qu'il se met en boîte, tu sais. Ben, c'est ça. En Exact. plein ça, là. T'sais. Pour lui, il est parfait, puis les autres ne le sont pas. C'est juste déformé. C'est des illusions d'être parfait. Ben, quand tu es parfait, là, il n'y a personne qui peut rentrer dans ta bulle, tu es parfait. Tu ne vas pas te faire critiquer, tu sais. Non, c'est ça, Ben ça enlève l'ouverture de la personne à son environnement. là, tu crées un shield, là, alentour, là. Non, moi, je suis parfait, pas toi. Tu sais, fait que tu protège dans ton illusion de perfection. T'sais? Sinon, quand t'es pas parfait, là, c'est rigide, tu casses. T'sais, ça casse. La perfection, elle casse. Exactement. Puis là, faut que tu maintiennes la perfection. À un moment donné, t'es écrit, t'es plus capable de tenir ça à bout de bras. Là tu as des accidents de tout. T'as plein d'affaires qui se passent. Ouais, ça va loin. Ben oui, il y a des gens qui vont faire des épuisements professionnels parce qu'ils jouent trop à la Superwoman ou Superman, tu sais. Ah, ben écoute, là. Ben oui. Mais c'est tout des fois. Tout ça tombe. Tout ça est en train de tomber, là. On était capable de rider à 150 km/h, mais à un moment donné, le moteur, il pète. Puis il y a bien des moteurs qui vont péter, là. Oui, exactement. Ça pète présentement, là. Ben. C'est vrai, parce qu'après tout, la société, elle met tellement de pression sur l'individu qu'on se ramasse avec plein de cas là, de dépression, d'épuisement professionnel, ouais. Écoute, ça commence. Ça commence, les suicides, tout ce que tu veux, là. Ça va... Anyway, je fais pas de prédiction, là. L'important, c'est qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on échange avec les autres dans... Mais ça va toujours nous ramener à nous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. L'état vibratoire qu'on est, là, magnétise bien des choses. C'est que ça nous aide à être en état d'observation pour voir ce qui se passe. Exact. Parce que quand on est en observation, habituellement, tu n'es pas à l'intérieur de l'événement. Donc, demeurer un état d'observation. Puis être capable de s'adapter rapidement aux situations. C'est ça qui va nous permettre de s'adapter rapidement. Parce que les choses changent vite. On les voit pas venir. Toi, ce matin-là, de l'accident, quand tu as pris ton café. Ben, je bois pas de café, là, mais quand que j'ai pris mon déjeuner, non, j'ai pas vu l'accident venir du tout, là. Ben, c'est ça. T'sais, tu l'as pas prévu, là. Tu n'as pas mis dans ton agenda, là, je vais glisser, là. Exact. Ça se passe de même. Fait que ça brise. Il y a quelque chose de rigide qui est brisé, qu'il faut briser. Là, fait que, en tout cas, c'est hyper intéressant de parler, David. Mm-hmm. C'est un plaisir partagé. Ben oui, exactement, Nathalie. Tu amènes des points intéressants. Puis c'est sûr que je bénéficie aussi du fait que ça fait quand même plusieurs années que tu chemines en lien avec la conscience supramentale. Je veux dire, tu as fréquenté oui. Daniel Ménard. Mm. En consultation à ses conférences. Fait que moi, je bénéficiais quelque part de, à travers toi d'une partie de son héritage. Oui, Seigneur, c'est là. Ça devait être là. C'est une vibration, puis on agissait avec ça. Là. Puis Daniel était le vecteur de tout ça. Là, puis son instruction était vraiment dans le quotidien. Tu fais quoi avec ça, là? Ça t'amène quoi? Tu fais quoi? Comment tu lis ça? Pourquoi c'est arrivé? Tu sais? Puis, il a vraiment vulgarisé l'instruction de Bernard. Tu sais? Oui, exactement. C'est sur une autre vibration. Là. Bien, c'est bon que je suis allé sur Daniel, là, c'était ici, c'était ça. Mais regarde-tu les autres. Là. Oui, mais oui. Je te dirais que personnellement, en tout cas présentement, là, dans les dernières semaines, c'est sûr que bon, suite à son décès, je me suis mis à réécouter de ses enregistrements aussi. Là. Mm-hmm. Mais je me sens plus proche maintenant de son instruction plus appliquée au concret. Ça me parle plus que d'écouter des choses plus théoriques, là, en lien avec le supramental, puis l'antimatière, puis l'île paradisiaque, puis des choses que Bernard de Montréal amenait, qui n'étaient plus en lien avec des réalités là, très éthérées. Là, c'est ce que ça me parle plus présentement, puis ce que je vibre, c'est justamment l'intégration dans le quotidien, d'où le sujet là, sur lequel je t'ai amené aujourd'hui. Oui. Oui, mais c'est là qui est important. Là. C'est pas ce qui se passe trop à l'extérieur, puis dans le monde, puis tout ça. Là. Ils ont leur karma. On n'a pas à prendre en charge. Exact. C'est ta vie. Puis tout ce qui est alentour, tout ce qui gravite alentour, là, le reste, là, ça va se passer. Anyway, comme ça va se passer, comme ça doit se passer. That's it. Mais c'est regarder nous, et à partir de nous vers l'extérieur. Fait que, à partir de là, là, t'as un pas. Puis il y en a d'autres pas. Puis il y a plein de pas. Puis on fait notre chemin là-dedans. Là, t'sais. Mais c'est toujours l'état vibratoire. Mm-hmm. Mais on contrôle pas ça. Là. On contrôle rien là-dedans. Exact. On a Mais une illusion c'est de de l'accepter contrôle. puis de l'assumer qui est difficile. Parce que l'affaire de lâcher prise sur le contrôle, moi, ça fait des années que je suis là-dessus. Puis j'ai de l'orgueil à me libérer parce que c'est pas évident. Puis je sais que c'est pas évident pour plein de monde qui nous écoute aussi, tu sais. Mais ça fait quoi lâcher? Tu perds quoi quand tu lâches? Peut-être que le mot est pas bien utilisé, t'sais? Mais lâcher, c'est quoi? Du contrôle? Ouais, ben dans le sens de faire le lâcher prise, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est lâcher prise. Lâcher prise quoi? Le contrôle? Oui. Lâcher sur le Hein? désir de contrôle, là. Ouais. Là, ça panique en dedans, là. Elle Ouais. n'aime pas ça. Comment je vais faire ça? Là, je sais pas comment ça va se passer. Si j'ai pas de contrôle, comment tu veux? Si je tiens pas le volant, qu'est-ce qui va se passer? Exact. Si tu veux contrôler des affaires, là, tu vois, si ça marche, tant mieux. Dis-moi comment ça marche. Mais on est dans l'illusion, c'est une illusion totale qu'on pense qu'on contrôle, là, tu sais. Parce qu'à quelque part, il y a une grosse peur en dessous de nous autres, là, tu sais. Une grande peur qui veut pas. Une grande peur qui. Tu sais, c'est vraiment une polarité, là. Tu contrôles ou t'as peur? Il n'y a pas de milieu, là. Tu sais. Puis si j'ai peur, mais ça panique. Ça Exact. panique. Ça panique. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Est-ce que les autres? Puis là, tout rentre, là. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Puis là, regarde-moi, là. Regarde. C'est de la merde qui brasse. Là. Tu brasses ton pot de merde, là, tu sais. Mais il se passe des événements, c'est drôle, ça revient toujours à l'accident. C'est pas toi qui l'as contrôlé, celle-là, là. Exact. Ouais. C'est ça. C'est bien intéressant ton accident. Bien, bien, bien intéressant. Oui, Ouais. bien, en tout cas, c'est Ton intéressant accident. de faire de l'étude avec toi parce que tu m'amènes des points intéressants là, à travers la conversation, là. Fait C'est très que. personnel à toi, mais aussi général. Oui, parce que je sais très bien qu'il y a plein de monde qui nous écoute, qui ont vécu au moins une fois dans leur vie un accident d'automobile ou autre, là, tu sais. Ils peuvent faire des liens par rapport à leur vécu, oui. J'en ai eu aussi quelques-uns d'ailleurs. Et très publicisés, je te dirais, là, mais Oui, OK. il y a toujours une raison. Il y a une raison. Puis toi, mais c'est d'après moi, c'est il y a une rigidité chez toi Oui. qui doit être dépassée. Hein. Okay? Puis ça s'accroche, puis ça s'accroche. Il y a de quoi qui s'accroche, là, c'est viscéral. C'est une faille majeure dans la vie. Puis c'est intéressant parce que la vie t'amène à étudier ça. Ben oui. Sais, c'est encore là. Quand c'est là, là ça darde, là. T'sais. Puis là, je panique, là, j'ai pas d'enfant, j'ai pas ci, là. T'es pas dans la forme, là. T'es pas normal. T'es pas normal, David. Voyons donc, dans la tête, là. T'sais, voyons donc. Là, c'est ah, excusez, là. Non, mais t'as pas à t'excuser, c'est vrai que c'est de la merde. C'est une programmation sociale, mais tu sais, en tout cas, pas toutes, mais il y a beaucoup de choses qui tournent alentour de ça. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, comment vont tes enfants, puis tu sais, il y a. Ouais. T'es pas parfait, hein, quand tu n'as pas. C'est ça. Ouais, c'est sûr que j'ai accepté le fait de sortir des standards de perfection sociale, là. Ouais. Mais c'est ta perfection est lue comme ça, toi, là. Ta perfection est lue comme ça. T'sais, toi, tu as idéalisé un statut social, t'sais. Oui. Puis ça marche pas de même, mais bon, ça. En plus, tu perds ton couple. Ouais. Oui, pas compris. Hey, pas drôle, ça, rien d'autre. C'est extraordinaire comment la vie est, la vie. C'est extraordinaire comment elle t'amène dans des plans, elle nous amène dans des plans pour, justement, ça fait mal, c'est là, il y a une raison. Pourquoi c'est là? C'est de lire les événements, c'est ça qui nous fait développer, là. C'est pas quand ça va bien qui nous développe, hein. Ben non. C'est quand ça va mal. Puis Bernard disait, quand ça va mal ici, ça va bien de l'autre bord. Puis présentement, la vie va frapper sur des failles majeures qu'on a. On a nos failles. Hein. Oui, Il y en exactement. a. Oui. J'en ai des failles, moi aussi. Hein, des grosses failles. Puis la vie frappe là. tu te demandes de demander, tu sais, quand rien a frappé, elle va frapper quoi, là? La vie va frapper, elle va trouver à frapper quelque chose que tu ne savais même pas. Oh, regardons ça. J'avais oublié quelque chose dans le placard qui était là, mais oh, ben non, il apparaît. Ah, j'ai ça, moi, là, tu sais. Mais écoute, c'est tellement intelligent, c'est intelligent, l'intelligence. Puis, tu sais, des fois, c'est soit que tu le subis ou ben non, tu l'étudies. Non. Fait que si tu veux le subir, là, t'apprendras rien, puis un autre événement qui va se passer. Fait que c'est d'apprendre, puis de trouver un talking partner avec qui tu peux parler pour le voir, qu'est-ce qui se passe. Quand tu commences à le voir, fait que t'es plus dans l'événement. Oui, puis c'est pas en attitude, c'est en vibration, ça. Puis ça se fait, ça se passe, là. Oui. Non, exactement, mais c'est la raison aussi pour laquelle je suis en contact avec des gens sur Internet, puis tu sais, je fais des entrevues avec des gens, puis des discussions privées aussi. J'aime ça bénéficier Ben de oui. la capacité de certaines personnes de m'apporter un éclairage sur ma vie pour me permettre de mieux comprendre là, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, Ben oui, mais c'est ça qui est intéressant, on dit. Tu sais, Exactement. des fois, là, tu rencontres quelqu'un, là, tu commandes un café, puis là, tu commences à parler avec quelqu'un, puis ah, lui, il vient me dire quelque chose que je me pose question, tu sais. C'est extraordinaire comment c'est organisé. Comment c'est intelligent, tout ça, là, tu sais. Dans mesure que tu te mets pas en état de victime, là, fait que là, si tu rentres en victime, tu rentres dans l'événement à plein, tu sais. Tu rentres dans l'émotion, dans l'événement. Là, l'événement, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ça. T'sais. Mais à un moment donné, c'est qu'on va. Quand on est capable de voir, avoir une lecture, l'événement va s'amenuiser. Il rentre moins. Il va passer, il va accrocher, là, une pote là, sur le bord de l'auto, mais ça va continuer, là. T'sais. Puis Non, je comprends, au la final. personne va être moins dominée par la charge émotionnelle qu'elle pouvait vivre autrefois par rapport à l'événement parce qu'elle va être plus dans une optique d'ouverture plutôt que de résistance émotionnelle, là, tu sais. Voilà, dans résistance, exactement. Ça, c'est le mot. Ouais, parce La que résistance. ouais, ça c'est un autre sujet parce que ce que tu résistes persiste, là, il y a un adage qui dit ça. Dans la résistance, il y a la prise qui est là, là. Comme Ouais. le lâcher prise. Ouais, la fameuse expression. Mais sinon, toi, est-ce que tu as déjà pensé à faire de la consultation par rapport à des gens qui sont en processus d'intégration de conscience? Je vais dire, j'en fais beaucoup par défaut. OK. J'apprends autant là-dedans. Mais il y a certains. Les amis qui sont proches. J'ai un beau cercle d'amis, puis tout ça. Nathalie, tu sais, Nathalie, appelle Nathalie, elle va te dire quelque chose. Tu sais, appelle Nathalie. Tu sais. Puis, oui, c'est une possibilité que je peux faire. Évidemment, il faut qu'il y ait un échange là-dedans. Suite à la dernière vidéo, là, j'ai eu des conversations extraordinaires avec des gens là, que je connaissais pas du tout. Là. Puis là, on se rajoute sur Facebook, puis sur Messenger, excusez, sur Messenger, puis tout ça. Puis il y a beaucoup de développement à faire. Puis il y a beaucoup de. Les gens sont en questionnement. Ils ont leurs réponses. C'est juste qu'il faut réveiller ces réponses-là. T'sais. Puis ça prend des éléments déclencheurs. Daniel a été le premier à me recevoir, puis il faut être reçu. C'est pas une recette non plus, mais il faut être reçu. Quand tu es reçu, là, c'est effrayant la charge vibratoire qui se libère tout seul. Là, t'sais. Hey, je suis quelqu'un. T'sais. Fait que, on trouve une identité là-dedans. Là, t'sais. Puis Exactement. c'est dans l'échange que tout se passe, là, t'sais. Parce que tout seul chez vous avec tes réflexions, là, tu restes dans le même mot, tu restes dans la même piscine. Là, tu ouvres la porte à quelqu'un, puis un échange réel, évidemment. Regarde, il y a d'autres roues, puis là, ça se mélange, puis ça crée une belle synergie. Puis c'est là qu'on trouve on trouve nos réponses au travers des autres. Puis tu sais, comment je dirais, là, il y a du mouvement dans la parole. Là. Il y a du mouvement. Il y a quelque chose de vivant qui se passe là-dedans. Là, puis c'est en parlant qu'on se sort de la bouteille. J'en reviens encore. Quand tu es dans la bouteille, tu vois pas l'étiquette. Mais les autres la voient avec des étiquettes. Hein. Fait que là, ça change ta perception de comment ça passe dans ta tête. Là. Ben Tu oui, sais, ne parce serait-ce que qu'on sait pas c'est pas nous autres qui pensent, mais regarde la façon que tu penses, là, tu t'en vas là, là. Regarde-les comment tu penses. Regarde ce que tu viens de dire. Écoute ce que tu viens de dire. Et souvent, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on dit. Ouais. Puis dans quel état? Moi, je suis à l'extérieur. J'embarque pas dans tes affaires émotionnelles. C'est plus froid. Donc, je suis capable de voir. Ah, regarde, ça, lui, là, il faut qu'il agisse ça, là. La rigidité, là, c'est la perfection. Il faut qu'il regarde ça, là. Pourquoi? Pourquoi c'est parfait? T'sais? Fait que la critique, là, il va faire avancer partout, là, pour casser ça, là, t'sais? Oui, bien, la question de la rigidité et le perfectionnisme, moi, c'est en lien avec ma programmation familiale parce que mon père était content puis perfectionniste. Puis j'ai été teinté de ça. J'ai été coloré, conditionné par ma famille pour avoir un idéal de type perfectionniste. Fait que ça, je l'ai capté, là. Ça fait un bout de temps. Je le comprends intellectuellement, mais de m'en libérer totalement, sa vibration, c'est une autre affaire, tu sais. Ah, mais cherche pas, ça va se faire, ça va se faire, ça se fait, ça va se faire, mais plus tu fixes à essayer de casser ça, hein, ça marche pas, hein. Il te semble d'une autre forme. Hein. Hein? David, il a droit à des erreurs, puis c'est la plus belle place dans la vie où tu peux aller. Hein? Fait que, c'est intéressant, ça, faut que t'en parles. Hein? Hey, je vais te faire une entrevue la prochaine fois. C'est moi qui vais être la... On va inverser les rôles. on va switcher de bord. Parce qu'il y a bien des choses intéressantes là, dans ce que je peux capter de toi. Okay. C'est, en tout cas, je trouve ça bien intéressant. Là, de ma perception de ce que je vois de toi. Là, c'est vraiment... Comment je te dirais ça, non? La façon que tu parles, c'est très, très, très impersonnel, mais quand tu rentres dans le personnel, là, ça hésite. Ta voix change. Ta vibration, elle change. Mais dans la mesure que tu restes alentour, tu viens vers nous autres, tu n'es pas impliqué personnellement, fait que tu es correct. Mm-hmm. Mais là, si on tourne ça de bord, là, hop, ta minute, ça hésite. Je vais être correct. La réponse va être correct. Là, tout est correct, David. Tout est correct. C'est le fun de brûler les gâteaux. C'est le fun de se cogner l'orteil parce qu'on a ouvert la porte. Puis il y a toujours quelque chose de le fun. Ben, en guillemets, le fun. Là. Ouais. Mais l'événement est relié à quelque chose tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Là, j'ai envie un gros événement dans ma vie personnelle. OK. À réduire quasiment à rien. Puis, c'est bien intéressant ce qui se passe. Fait que, moi aussi, on vit, tout le monde, là, présentement, là, tout le monde est rempli de quelque chose. Il y a tout un événement relié à quelqu'un, à quelque part. T'sais. Puis, ben, le simple fait de vivre, c'est un événement, tu sais. T'sais, ouais, le simple fait d'exister sur Terre, tu es impliqué implicitement dans un paquet d'événements. Tu n'as même pas besoin de rien faire et tu es exposé à de l'événementiel. T'sais. Moi, là, quand j'étais jeune, j'ai eu une vision. Là, j'en avais plusieurs. Oui. J'étais à l'extérieur de la planète puis je voyais un point rouge. Mm-hmm. Le point rouge, c'était moi. OK. Puis après ça, j'ai vu toute la grosse pièce de théâtre menée par les énergies. J'ai tout vu ça. Là. D'un coup, ça a duré, je ne sais pas combien de secondes. Là. Puis c'est toute une grosse pièce de théâtre. Et le point rouge faisait partie de la grosse pièce de théâtre planétaire. J'ai vu ça m'amener dans ma vie. J'étais jeune. J'avais quoi, 13 ans, je pense. Okay. J'ai dit, écoutons, c'est un cauchemar que je voyais. Mais dans ce temps-là, je ne savais pas qu'est-ce que je voyais. Mais il y avait une grosse pièce de théâtre là-dedans, puis c'est intelligent qu'est-ce qui était organisé là-dedans. Là. C'est toute l'interaction là, de chaque programmation qui rentre une dans l'autre, là, puis c'est programmé, puis ça va. Hey, c'est extraordinaire, c'est fabuleux de voir ça, là. En tout cas de notre point de vue terrestre. Oui, mais. Ça, ils m'ont fait voir ça là, comme ça. Puis je me souviens très bien de l'image, là, le petit point rouge là, qui était là, c'était moi. Dans cette grosse pièce de théâtre-là. Mais chaque être humain a une signature vibratoire. Je ne sais pas si tu avais déjà vu l'un des films d'X-Men où Il y avait le docteur là, avec le cérébro, puis il regardait les différents Oui. mutants, puis chaque mutant avait une couleur particulière. Oui. Ben oui, Bon, ben oui. fait que ça, ta vision me fait Ça. penser à ça. C'est-à-dire qu'au niveau Oui, des c'est plans, vrai. parce que chaque personne a une signature vibratoire, ben, eux autres, ils peuvent détecter telle personne que tel niveau à distance. C'est vrai, hein? C'est que tu parles de ça, parce que dans la situation que je vis présentement, là, j'ai la liberté de regarder. Il faut que j'occupe mon temps, puis j'écoute du Bernard, puis j'écoute les X-Men. OK, bon. Ben, Ah, il y a c'est beaucoup de drôle. messages dans les X-Men. Tu Ah sais, oui, ben oui. regarde, les X-Men, dans la Matrice. La Matrice. Oui. Ben, d'ailleurs, j'avais fait une Ordinaire, émission de radio là, où j'utilisais le pseudonyme de Neo, qui est le personnage principal là, du film La Matrice, là. Mais dans la trilogie des films La Matrice, le préféré pour moi, c'est le premier, parce que là, il y a plus de Le premier, oui. messages. Dans ce que, bon, le deuxième puis le troisième, on en reprend les mêmes concepts, c'est plus de l'action puis des combats. C'est ça. Oui, oui, Mais oui. Mais l'essentiel, oui. je me souviens quand on avait été voir la Matrice 1, là, absolument les gens, ils se lèvent tout, tu sais, ils se lèvent là, pour sortir après le générique. Oui. Les gens avaient resté assis, puis il n'y a personne qui parlait. Personne qui parlait. C'était un choc là, de voir ça. Les gens, ils réalisaient beaucoup de choses, tu sais, là-dedans. Là. Ben Mais oui. nous autres, je dis, bon, ben, ça commence, l'information commence à descendre dans la masse. T'sais. Ben oui. Fait que, non, c'est la fiction, entre guillemets, elle représente beaucoup de choses au niveau du futur. Hein, t'sais. Il y en a qui ont le don de voyance, de voir le futur. Hein, t'sais. Ça fait partie de la programmation, puis c'est quand tu regardes ces films-là, ça te ramène à une réalité questionnable. Ben, c'est fou, ça, voyons donc, quand même. Non, mais écoute, t'es rendu là-dedans dans ta vie, hein, t'sais. C'est comme le film Lucy. Effectivement, même ce film-là, ça explique la capacité de l'homme, qu'est-ce qu'il peut faire, là, t'sais. Puis Je l'ai Lucy, pas un vu jour, ils vont encore, à part... mais Hein, faudrait mon que Dieu! j'aille voir ça. Ouais. Ah, mon Dieu, écoute ça, là. Mon Dieu. C'est Lucie, Lucy. Non, Lucy. OK, parfait. Fait que je vais faire une petite recherche sur Internet pour essayer de retracer le film. Mais tu peux. Ouais, c'est Ah, bon. c'est quelque chose de ici, non? Encore, c'est représentatif du développement de l'homme, tu sais. La capacité, nous autres, ils mettent sur le cerveau, là, la capacité que le cerveau peut penser, mais tu sais, nous autres, on sait qu'on peut aller au-delà d'eux. Mais c'est quelque chose, c'est percutant. C'est percutant comme la Matrice puis les X-Men, tu Ouais, sais. Puis exactement. X. Ouais, puis Ex Machina aussi. Ex Machina, c'est l'intelligence artificielle encore. Hein, tu sais. Mais il y a Ah beaucoup oui, la de femme symbologie. qui ben, qui est une femme, c'est un robot qui a l'apparence d'une femme, là. Ouais, Ouais, c'est ça, je ça. l'ai C'est un vu. gars qui est. Ouais. Ouais, ça aussi, là, c'est quelque chose. Exactement. Parce que là, tu te poses la question, c'est quoi qui est réel, puis si le robot a des vraies émotions, puis tout, là, tu sais. Ouais. Mais en sachant que c'est nous autres qui pensent, puis là, ça rentre dans... ben, c'est rendu là, là, au niveau de la forme physique, là, c'est rendu là, là. Ils vont. Ben, Bernard, on a déjà parlé de ça. Là, ils vont insérer, ils vont cloner des corps, puis ils vont aller chercher des ondes, puis c'est l'homme qui va insérer des ondes dans les clones. Ben, c'est comme Ghost in the Shell, un peu, c'est. C'est amalgame des événements qui vont se passer, mais tu sais, c'est sur un étalage de 2500 ans, là, tu sais, nous autres, on aimerait savoir ça direct là demain, là, tu sais. Mais regarde, la question de contenance de la population, ça va éclater, là. C'est juste l'apparition des extraterrestres, là, toute la planète va arrêter de fonctionner, tu sais. C'est pour ça qu'ils peuvent pas Ben, quoique la s'élancer là. transition semble se faire en ce sens-là, en douceur, dans le sens qu'au fil des ans, les scientifiques dévoilent au public bon, qu'il y a des planètes qui ont de l'eau, comme Mars, puis il y a plusieurs planètes qui pourraient être potentiellement habitables dans le cosmos. Donc, je pense qu'il y a une Ben oui. transition qui se fait dans le sens de dévoiler l'existence des extraterrestres là, qui est progressive, là. Ben, il faut, là. Mais les jeunes, eux autres, là, ça joue qu'avec des jeux, puis tout ça, avec des extraterrestres, eux autres, ça va être quasiment normal quand on va les voir. C'est nous autres qui va péter. Là. Les jeunes sont tellement dans les univers virtuels, Ouais. avec tu sais, les jeux électroniques, avec des extraterrestres. Pour eux autres, ben, si on voyait un, ah, ben, salut, ils vont continuer à jouer. T'sais. Mais pour nous autres, là, ça va être, ah, regarde, en tout cas, Ben, quoique j'ose pour moi, même ça pas. me, je pense pas que ça me choque tant que ça, là. Je veux dire, depuis que je suis jeune, j'écoute Star Trek, La Guerre des Étoiles, puis des séries de science-fiction où il est tout le temps question d'extraterrestres. Fait qu'à un moment donné, on commence à s'habituer. On les voit souvent là, dans les émissions de télévision, là. Ben oui, ça va devenir une normalité probablement, puis ils vont utiliser ça parce que les hauts gouvernements sont au courant de tout ça, là, tu sais. Mais encore là, c'est pas eux autres qui pensent, puis la programmation planétaire est déjà organisée, là, tu sais. Donc, l'apparition des extraterrestres officiels va arriver dans un moment que ça va être choisi, tu sais. Pas nous autres qui voulons choisir, hein. Non, exactement, là, tu sais, c'est sûr que des fois sur Internet, il y a des gens qui vont dire, ah ben là, ça va être l'année de la révélation publique des extraterrestres, puis finalement, ça, en tout cas, ça arrive pas, là, ça fait une couple d'années que c'est prévu, puis, mais moi, ça Non, m'intéresse pas moins, là, prévu. présentement, les extraterrestres. Quand j'étais plus jeune, j'étais fasciné par ça, puis là, je me suis rendu compte, en découvrant l'esprit, que, tu sais, il y a une partie de nous-mêmes sur le plan éthérique, puis qu'en réalité, comment dire, notre existence est en lien avec eux autres, c'est-à-dire les êtres sur Ben le plan éthérique, les forces plutôt que les extraterrestres. Ben là, j'ai laissé tranquille les extraterrestres en termes ben c'est d'autres d'intérêt. civilisations, puis Ouais. on est vraiment en quarantaine, puis c'est vraiment important l'être humain pour tout le système au complet. Là, mais ça, c'est une autre discussion. C'est une autre discussion. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est très éclaté la discussion qu'on a depuis le départ parce qu'on part d'un sujet à l'autre. L'esprit, c'est ça, hein? C'est pas linéaire. Ah, il n'y a rien de linéaire là-dedans. Là, tu écoutes les conférences de Bernard, puis il ne parle pas partout du sujet énoncé précédemment. Ben, ça dépend. Les cassettes pour les séminaristes, oui. Tu sais, Oui, ça, les oui. cassettes où ce qu'ils parlent tout seul, là. Il n'est pas devant le public, là. Ça, il suivait bien C'est ça. le sujet. Ouais. Mais pas avec Daniel Ménard. Là, Non, ça non, t'as partait à un moment raison. donné, là. Avec Daniel, là, ça partait de Oui. tous les bords, là. Mais, mon Dieu, il ramenait toujours, là, c'est vraiment intelligent. Tu sais, depuis sa perte, c'est comme on l'écoute différemment, Daniel. Là, tu sais, j'ai parlé justement avec une des filles qui était, puis avec plusieurs personnes. Hein, c'était un choc, là, un choc total. L'une qui est tombée en pleine face, l'autre qui s'est cassé les pieds. Moi, je suis tombée malade. C'est tu relié à la personne, tu sais, mais le timing il est bizarre, tu sais, quasiment dans la même journée, tu sais, puis non, c'est ça a fait un effet de vie quand il est parti, lui-là, et surtout ceux qui étaient proches, tu sais, c'est un deuil, il y a un deuil, tu sais, puis Exactement. on en parlait souvent, là, tu sais, de son départ, là, tu sais. On le voyait aller, il n'y avait plus de vie physique, là. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Moi, Mais à cause c'est de un la être. maladie, là, vu qu'il était devenu aveugle, là, tu sais, c'est sûr que Ben oui. Il a j'imagine. perdu son permis de Ouais. conduire, puis là, il était dépendant des autres, puis Daniel, dépendant, mon Dieu, qui était si unique, lui-là. Ouais, parce qu'il était très indépendant de son vivant, tu sais, dans le sens que même Bernard de Montréal, si je ne m'abuse, avait déjà dit qu'il l'avait choisi comme intervieweur parce qu'il était indépendant dans l'esprit, tu sais. Ah, complètement, là. Il n'a pas été influencé par Bernard. Il a accompagné Bernard. T'sais. Ouais. Bernard l'a accompagné aussi. C'est vraiment un homme initié, là, en guillemets. Là. Je ne vais pas rentrer dans les formes, des mots, mais Daniel a fait sa job. Là. Ah, il a toutes les CD, là, il fait quelque chose avec ça, mais son instruction là, est extraordinaire. Là. Parce Ouais. qu'elle est applicable au quotidien. Tu vis Exactement. quoi, là? Il y a un CD relié à ça. Là. Tu vis quelque chose. T'sais, il en a fait un CD sur la femme. Comprendre la femme. Il l'a fait. Puis il a fait un CD sur l'homme. également, tu sais. L'intelligence du mal, c'est extraordinaire, ce CD-là. Là. T'sais, nous autres, on n'en veut pas de mal, mais le mal a sa fonction. T'sais. Exactement. C'est comme le deuil puis la perte, mais c'est sûr que dans le fond, il y a une intégration individuelle aussi à faire. Fait que là, c'est sûr que lui, vu qu'il C'est n'est ça. plus là, ben toi, à te définir dans ta vibration, puis tu n'as plus la possibilité de recourir à lui pour avoir des réponses. Donc, tu es en C'est position ça. de trouver par toi-même les réponses. C'est C'est-à-dire, ça. tu es forcé implicitement à être totalement autonome dans ton mouvement vibratoire, là. Ben, c'est, on avait parlé à un moment donné, puis moi j'y avais répondu, je dis, écoute, il y a une prise en charge de ta part à quelque part. Là. On vit de quoi, on t'appelle, on veut comprendre quelque chose, on t'appelle, mais quand tu seras plus là, là, ça va devenir individuel à nous autres, tu sais. Il n'y aurait plus de référent. Là. Avant, là, ah ben là, Daniel, il est là, là, c'est correct. On va faire ça. T'sais. Daniel, il est là, là. D'une crise, on l'appelait. Là, t'sais. Il était très, très, très présent à chacun des gens autour. Là, t'sais. Mais il a fait une job extraordinaire, Daniel. Puis il a laissé un bel héritage au niveau de son instruction. T'sais. Oui, exactement. Là, c'est sûr qu'on avait déjà fait une émission où ce qu'on lui rendait hommage. Là-dessus. Ouais, puis c'est correct, là. Je ne veux pas revenir trop longuement là-dessus. Par contre, c'est sûr que je voulais finir par finir avec toi et conclure l'enregistrement en te mentionnant là, que j'ai beaucoup apprécié de discuter avec toi. Et puis Idem, moi aussi, c'est toujours intéressant. bon. Ben, c'est sûr que si on ne peut plus faire d'études avec Daniel Ménard, on fait des études avec d'autres personnes. Ben là, c'est ça. Là, c'est rendu de nous autres. Là, Oui. c'est rendu. Là, c'est nous autres qui va faire le job. T'sais, pour nous autres, avec Exact. les autres. C'est ça, Donc, il y exactement. a quelque chose à faire. Il y a un terrain. Il y a de quoi à faire. Il y a du monde intelligent sur la planète, David. Oui. Puis c'est la vie va faire ce qu'elle a à faire. Puis c'est à nous autres à se définir là-dedans. Là. Fait que, ah non, c'est un beau chemin. C'est un chemin dur, mais bien intéressant. Exactement. Donc, sur ces mots, là, on va conclure pour le vrai. Donc, Oui. je te remercie encore une fois infiniment pour le temps que tu as consacré à l'entretien. Et puis, je te dis à bientôt, Nathalie. Ben, merci, David. Merci de ton invitation. Ben, c'est pas toi qui passe, puis moi non plus. Ben, c'est fait. Exactement. Ben, bonsoir, David, puis à la prochaine. Merci. Bye-bye. Bye.